sais qu'on l'a déjà dit, ça, je crois qu'on l'a déjà dit, mais il y a eu plus d'albums de Sepultura sortis avec Derek Green, le nouveau chanteur, qu'avec Max Cavalera. Ah bah bravo. Tu te rends compte? Comment on fait maintenant? Bon. Je sais pas. Attends. Non, mais c'est quand même un petit peu un fait important parce que qui se souvient de Sepultura autrement qu'avec Max Cavalera? Bah pas moi. Bah le chanteur, le nouveau, lui, dans son souvenir. Oui, voilà, c'est Voilà, ça. tu vois, tu Tout à l'avais fait. pas. Bon, on y va? T'as vu, Yvette Horner? Ah ouais, je voulais en parler en plus. Putain, je suis trop deg. Ah ouais, moi aussi. Notre dernière idole, hein. Bah ouais, c'est ça. On est triste. Un dernier coup d'accordéon et. Petite blague pour commencer. Elle est courte. C'est ta blague ça ou t'en as une? Voilà. Non, non, j'en ai une. Ah bah vas-y, je t'en prie. T'enregistres? Bien sûr. C'est un gamin qui vient voir sa maman. Oui. Qui lui dit: Maman, maman, j'en peux plus de dormir à côté de mon petit frère. Ça fait 2 mois, j'en ai marre. Tu la connais? Je la connais. Ouais. Et donc la mère dit: Bah, je t'ai déjà dit qu'on n'avait pas les moyens de l'enterrer. Ouais, c'est ça. C'est voilà. On avait dit Bonsoir! non, mais on avait dit qu'on racontait pas nos histoires de famille à l'antenne. C'est ça. C'est Eh bah ça. écoute, la prochaine fois, on s'en passera. Alors c'est quoi l'ordre déjà? C'est on trinque, on boit, on trinque, on Bah boit. attends, mais. Ah non mais. Ah mais toi tu vides tes verres comme tu vides tes poches. Sandwich. Ouais, ou tes sacs. D'accord. Intro. Ah ouais, donc c'est l'intro. Alors, bienvenue. Ah oui, bah alors tu peux pas. Ah bah. Si, il m'en reste, D'accord, j'ai de ok, très quoi bien. trinquer. Ok. Donc, bienvenue dans l'épisode 29 de cette saison 2 de Road to Hellfest, sous-titré Le bout du slip qui claque. Jingle, J'ai même jingle. pas vu. Bah non, c'est pas Ah marqué. ouais, c'est pas marqué, c'est une impro. C'est une impro. C'est marqué Hey, impro. impro. Non, générique Ah, de, générique. d'un, le générique d'intro, justement. Voilà. Ok. Le slip qui claque. Trincage, Hey, trincage. trincage. Trincage, Kling alors. klong. Cling, cling, ouais, Hey, allez, pas faut mal. goûter la faire. Dans Oui, la c'est bon. joie, dans la bonne humeur. Pensez à donner le nom de l'épisode, ça c'est fait. C'est fait. Non, s'entrechoque, mais dans la bonne humeur. Ouais, dans la Pourquoi bonne. mais? Parce que mais, c'est. Malheureusement, Non, mais c'est pour. Bah, parce que c'est pour faire semblant. On se est. rejoignent et s'entrechoquent dans la bonne humeur, tout Dans. court. Oui, tout à fait. Oui, bah, c'est pour la blague. On s'entrechoque, mais dans la bonne humeur. Ah ouais, d'accord. Du coup, on n'a pas fait la photo non plus. Donc, Ah bah tiens. super, bravo. Ouais, bah, je peux pas être partout. Ouais, ça va. J'étais en train de Monsieur manger. est en train de faire ça. Donc voilà, donc Encore? c'est le dernier épisode avant le fest ou l'avant-dernier avant le fest. Enfin, c'est le. C'est le dernier avant le fest. Voilà. Dernier épisode avant le fest. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est aussi donc techniquement l'avant-dernier épisode de cette saison 2. Ce qui, d'une certaine manière, nous fait assez plaisir. Car on va pas se mentir. On est un petit peu fatigué. Non, je parle lentement parce que je regarde Bob qui fait des photos et c'est toujours un petit peu. Ah, il cherche des points de vue intéressants. En même temps, comme il l'a déjà dit et on se l'est dit, on tourne un peu en rond Bah forcément. oui, la pièce est petite. Et Hein. puis bon, il n'y a pas. Il n'y a pas grand-chose. Enfin, si, il y a énormément de choses sur la table, mais... Ouais, du coup, il fait une photo souvenir pour lui. Hey! Voilà, Ah, comme ça c'est fait. c'est bon. Voilà, Donc faut formidable. que j'en prenne une au hasard. T'en as fait Un combien? numéro au hasard. Non, j'en ai fait qu'une. Ah c'est pas ta meilleure. Non, bah écoute, après, c'est comme on dit, on tourne en rond, on sait plus quoi faire. Bon, ok, très bien. Bah, on la fera plus tard. Oui, voilà, c'est ça. À tous les coups, j'ai oublié, puis je vais poster celle-là. Voilà. Donc au programme de cette semaine. Ah bah attends, d'abord. Dis-moi, Bob, Qu'est-ce qu'il y a? comment s'est passée ta bonne semaine? Bonne. Cool. Et en plus, semaine. Truc Hey, de dingue. t'as fait des trucs sympas? Ouais, j'ai dormi. As-tu été à un vide-grenier ce week-end? Ouais. Ah, c'était sympa. Franchement. Quel menteur. As-tu été à un repas, toi, ce Ouais, week-end? j'ai été à un repas. Ouais, c'est C'était chouette. sympa. Chez qui? Raconte-nous. Chez Joe qui nous avait invités pour faire Pierre Castor. Un repas de pré-Hellfest. Ouais. J'étais pas là, du coup. Non, il y avait plus de la bière pré-Hellfest que le repas, Ouais. mais moi je n'aime pas critiquer les gens qui m'invitent. Bien sûr. Je vais éternuer dans pas longtemps, je tiens à préciser. Ouais. Ouais. C'est pas très radiophonique, C'est ça. pour ça que je précise. Éternue dehors. Ah Eh ben voilà. Ah, j'en ai mis plein partout. C'est dégueulasse. Oh, ouais, oh, il y en a sur le mur, putain. Sérieux. Ouais, t'arriveras jamais à le revoir, ce mur. Donc, c'était une bonne semaine. D'ailleurs, il y a une braderie ce week-end, pas très loin. Ah ouais, ouais. Où ça? Bah, alors, pas notre ville, mais une d'à côté. Ah ouais, c'est chouette. Là où il y a des petits moutons. Ah, en Irlande? Non. Non? La ville à côté, je te dis. À Dublin. Non? Non, c'est pas ça. Bon, on en parlera aussi après. Ok. Des bébés moutons. Ouh. Alors, le programme de cette... De quoi? Tu veux parler de ça, après? Mais non, mais c'est, si jamais ça vous intéressait, vous. Ah non, non, non. Bah, vous donniez braderie, c'est votre kiff. Non, mais c'est bon, quoi. Ouais, on peut se reposer un peu avant le fest. Oh, pardon, excusez-moi. Oh, le vieux. Bientôt, il va mettre des lunettes. Bah, tu peux parler. Ouais, je peux parler, ouais. Ouais. Parce que j'en mets. Avec tes culs de bouteille. Arrête, les gens, c'est pas... Monsieur est myope, presbyte. Casse-couille, ouais, surtout. Ah, Steve. Je suis plus casse-couille que presbyte. Oh, ça, hein, c'est, ça sûr. C'est sûr. Alors, cette semaine, donc, on retourne directement au... Oui. À l'essentiel. Ça serait pas mal. Donc, quelques news du Hellfest. Mais, avant toute chose, il manque quand même la news la plus importante. Et suite à ça, ces scandales que je vais... c'est long. Vas-y, gavage. On n'a pas eu des news sur la bouffe. Ouais, mais c'est vrai. On n'a pas eu les snacks, on sait pas ce qu'on va manger là-bas, et moi ça me rend dingue. Il y a peut-être des nouveautés. Mais c'est pas le problème, on le sait pas. Moi je trouve ça scandaleux. Tout à fait. On a un truc qu'on attend, l'affiche, on s'en fout. Par contre, les snacks, ça. Ouais. Mercredi quand même. Hein. Bon. Ça voilà, c'était pour mon petit coup de gueule, j'avais besoin de le dire. Donc, quelques nouvelles du fest, à savoir deux interviews. Oui, tout à fait. La première étant de Zillian Arthur, qui est un petit peu un de mes coups de cœur de cette année. Donc, une interview, somme toute sympathique, une interview faite dans un bar. Et C'est beau. Du coup, alors moi, j'avais émis quelques soupçons sur l'authenticité du côté black metaleux, musique noire, qui se mélangeait très bien. Le deuxième album étant sorti, on en parlera tout à l'heure, mais je garde encore quelques... pas doutes ou soupçons, mais je pense qu'il a vu une porte ouverte qui s'est empressée de rentrer, et que bah il y est bien. Après, être true metal ou true black metal, on s'en fout un peu, mais je le sens peut-être plus opportuniste. Enfin, voilà. J'attends de voir. Il y aura peut-être un album totalement différent. Il dira oui, j'ai voulu explorer d'autres pistes. Bref, l'interview revient un petit peu sur le succès du premier album et le fait qu'il a quand même attendu plus d'un an et demi avant de ressortir quelque chose. Sur le fait aussi qu'il n'était pas... Il s'est rendu compte qu'il n'était pas assez bon mixeur, donc il a commencé à laisser les gens venir un peu l'aider. Qu'il considérait un peu le premier album plus comme un EP et que c'est pour ça que le deuxième était un petit peu plus long. Qui, en gros, quand on a l'air de lire... en diagonale, et ben qu'il a tendance à passer beaucoup de temps à faire de la musique dans son coin et qu'il est pas du tout très il aime bien, voilà, c'est un bricoleur dans son coin, quoi. Il fait son truc, il fait sa petite popote comme ça, c'est ça. Moi, ce qui m'a surpris dans cette interview, moi, c'était le fait que bah il se revendique un peu métalleux depuis l'adolescence, que c'est un truc de gens un peu sombres, frustrés, un peu les rejetés de la vie, et que bah, quand t'as rien d'autre à faire dans sa jeunesse, il allait voir des concerts de métal, tout ça, mais qu'il a jamais entendu parler du Hellfest. Enfin, si, qu'il a déjà entendu parler, mais qu'il sait pas trop ce que c'est, qu'il sait pas trop à quoi s'attendre, et qu'il y va... Et c'est les journalistes qui lui ont dit « Eh, tu vas au Hellfest, c'est trop bien !» Mais lui dit « Ah, d'accord, bah cool, on va voir. » Par contre, il a l'air d'être autant hypé de jouer là-bas que d'aller à Montreux, d'aller au Wacken et d'aller partout, que de venir en tant que festivalier pour aller se balader, voir des trucs. Il aime beaucoup l'affiche, il a envie de voir des groupes. Le mec a l'air très cool, je trouve. Le mec a l'air très sympa. Et toi, en as-tu retiré autre chose de cette interview pendant que je me mouche? Non, mais sérieux. Ah, je suis un rubé. Ah. Qu'est-ce que j'en ai retiré? Bah non, rien de bien spécial, quoi. Je crois que t'as dit un peu toutes les grandes lignes de l'interview. J'ai rien retenu de bien transcendant, bien particulier. Ne l'as-tu pas trouvé sympathique au détour de ces petits échanges? Si, il avait l'air très très cool, nature, on va dire, hein, voilà, pas fioriture, voilà. Ouais, non, non, très sympa. Bah, c'est une interview aussi plus ou moins courte, quoi. Et ouais. Du coup, c'est ça que j'aime bien dans les interviews qu'ils font. Là, ouais, exactement. Toutes les petites interviews Hellfest, là. Elles sont assez courtes et faciles à lire. Et voilà, tu lis ça entre deux, quoi. Mm. Ça se lit facilement sur... Les toilettes. Ah, j'allais pas dire ça, ah ouais, mais cru. Ouais, sur le chiotte, c'est pas con. Ouais. Bah, ouais. J'ai cru que t'allais dire ça, tout c'est pour fait. Ça. D'accord. Et l'autre interview, c'est le groupe français Malakavian, une de notes de nos révélations de cette année, on peut le dire. Tout à fait. Et là, pour le coup, c'était une interview par email. Et une interview intéressante où le groupe parle un petit peu de lui-même, de la manière dont ils ont eu le succès, de la joie de, d'être programmé au Hellfest, de sans doute pouvoir nous faire écouter quelques nouveaux morceaux parce qu'il y a un EP qui devrait sortir cette année. Mmh. Que la suite pour eux, ça va être de faire un super concert et derrière d'en faire d'autres et d'ouvrir les portes pour l'étranger. Voilà. Qui sont contents, qui sont plutôt jovias et qui vont aller se balader aussi dans le fest et qui vont passer un bon moment. Voilà. Donc rien de. Tout simplement. Rien de plus, rien de moins, mais quelque chose d'assez efficace. Donc on peut saluer la prestation et dire. Chapeau l'artiste. Autre news, Ultra Vomit rencontre avec les fans au Cult. C'est assez marrant en fait de voir que suite au warm-up, en fait, le groupe Ultra Vomit va venir pour rencontrer et signer les fans au Cult. Donc, voilà, ceux qu'ils ont rencontrés au warm-up. Voilà, principalement. Donc si vous êtes culteux et au warm-up, tant mieux. Sinon... Au warm-up du coup, parce que c'est fini. Oui, mais ceux, si vous avez été au warm-up et que vous êtes culteux, voilà, tant mieux. Ceux qui étaient au warm-up qui ne sont pas culteux, pas tant mieux. Voilà. Ouais, ou tant pis. Ou alors, ils vont peut-être les croiser à la sortie. Peut-être, ils vont donc les attendre. Donc, ça sera le dimanche 24, de 15h à 16h. Alors, quand tu lis le détail dans l'espace privé du Cult situé au Metal Corner, séance de dédicace, questions-réponses, photos-souvenirs, compte-rendu de la tournée warm-up, voilà, venez rencontrer le groupe en toute simplicité. J'ai envie de dire, une heure, c'est court. Oui, un peu, ouais. Pour faire tout ça. Hein. Mmh, c'est clair. En tout cas, c'est super cool. Ça fait une espèce de fin pour le warm-up. Ça dit, ça fait... On c'est termine... fini. Ah, mais on termine le truc, quoi. On va jusqu'au bout. Le groupe que vous avez vu pendant toute la tournée, vous pouvez encore venir leur dire ciao, bye-bye. Voilà. D'ailleurs, c'est un truc qu'il faudra qu'on essaye de faire, nous. De faire un... Ouais. Comme ouais, de faire ça. Alors, on sera pas au Cult parce que nous... On dénigre personne. Voilà. Mais une fois par jour pendant le Hellfest. Retrouvez-nous sous le chêne qui mène au camping. Quoi ? Donc de 16h à 17h. Pendant une heure, on sera sous le chêne à attendre. Le chêne ? Ah oui, donc le chêne du Metal Corner. Voilà, c'est ça. Ah, moi je pensais plus que j'allais plus dire à l'entrée du Kingdom of Muscadet. Ah, pas con. À la rigueur, toi, t'attends là-bas et moi, j'attends au camping. Ah non, moi, j'attends pas tout seul, moi. Ah ouais, si les gens, ils viennent me parler et je leur dis quoi. Ouais, c'est ça. Non. C'est une très mauvaise idée. C'est encourageant. C'est encourageant, déjà. Alors, les gens vont avoir envie de venir te voir, c'est sûr. Mais j'ai jamais dit que que les gens aient envie de me voir. Moi, j'ai dit si eux, ils veulent, mais moi, j'ai pas... Ah, toi, t'as pas envie. Si. Ah non. Attends, si. Putain. Quoi. Non, vous êtes combien dans ta tête. Mais non, mais à la limite, toi, t'es là. Et un des mois, on sera pas loin. Ouais, on va te cacher derrière, en train de regarder. Après, bon. Je te fasse un signe. Voilà. C'est bon, ils sont sympas. Ok, tiens. J'arrive. Hey, salut, c'est Jacques. Ça va ? Voilà. Non, bon. En tout cas, je crois qu'on peut le dire maintenant. Potentiellement, on sera là-bas. Le mystère est levé. Depuis 15 épisodes. Depuis 3 ans maintenant. Non, ouais. Donc on sera potentiellement là-bas. Il reste une inconnue, hein, la fameuse inconnue du moment. C'est ça. Donc après. Ah oui, l'inconnue du moment. Ah oui, ah oui. Cette fameuse inconnue. Ah ça, oui. Ouais. Ah bah. Je l'attends avec. Oula. La petite sueur froide. Bon, écoute. La petite goutte dans le dos. Y a pas... Pour l'avoir déjà vécu. Je te comprends. Ouais. Mais bref, donc il y a pas de raison. Ultra Vomit font leur meet and greet, parce que leur meet and geek. Parce que Greek ça fait grec, donc ça n'allait pas. Ouais, bah ouais. Donc nous aussi, voilà. C'est bien de finir comme ça. Et Vlan, flûte. Sinon, ah oui, Odor is coming. Ah oui. Alors ça, t'as lu, toi, apparemment. Ouais, ouais, bah Odor is coming. Voilà. C'est un gros fan, apparemment, de WOW et de Metal. Donc, du coup, il sera au Hellfest. Oui, parce que cette année, c'est le retour un peu de WoW. De World of Warcraft. Donc, Bah, c'est un peu le retour. C'est le retour de World of Warcraft. Donc, il y aura encore, comme il y a 2 ans, l'univers de... Donc, je ne sais pas s'ils vont le placer. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Voilà, tout un univers sur le jeu vidéo. Voilà. Et Odor, l'acteur qui joue Odor... Qui est bien connu de tous hein, pour ses textes. Voilà. C'est toujours joué avec une certaine intensité. Voilà. Alors, Christian Nairn, voilà, l'acteur britannique, qui est aussi DJ. Voilà. Ça, c'est pas grave. Oh, bah, après, c'est pas. Voilà, ça n'a jamais fait de mal à personne. Si. Ça a fait de mal à beaucoup de choses. Mais, À beaucoup de gens aussi. Ah, ouais, non. Certainement. Et David Guetta, il a fait du mal à personne, peut-être. Si. Ah, une génération entière de. Oh oui, facile. Donc voilà, bah, il sera au Hellfest apparemment. On n'a pas vraiment plus de précision que ça. On sait pas trop. Sûrement une séance de dédicace. Hein. Ouais, voilà. Puis apparemment, il va mixer. Je ne sais pas trop ce qu'il va mixer. Frais, des smoothies peut-être. Ah, ça serait stylé. Ouais, ce serait pas con. Odor. Oh, merci. Fraise. Non, oh, Odor. Odor. Odor. Odor. Odor. Voilà. T'as un auteur qui écrit. Sous-titré, je te dois combien 5,50€. Ah oui, d'accord, parce qu'on en est là, donc. Ah bah, écoute. Bah écoute. Le pauvre, il va se faire charrier. Il doit déjà se faire charrier. Ah oui, non, mais le mec, il... ouais. T'avais vu ce texte qui avait été écrit comme ça un peu façon très mystique, machin, où c'était que... Odor ? Ouais. Non. C'était très con. Ah oui ? Mais c'était un texte énorme. Ah ouais ? C'est genre parchemin, mais c'était écrit que Odor. Donc voilà, c'est que Odor qui pouvait le lire. Il y a quelqu'un qui l'a lu ou pas ? Bah, je pense, ouais. Non, mais c'est pas genre... Il y a des critiques qui ont dit que c'était un très bon parchemin. Ouais. Et t'avais pas vu, alors pour faire une petite suite de référence à Game of Thrones, t'avais pas vu la vidéo où Jon Snow, il était invité à manger chez un mec et c'était genre à notre époque à nous, enfin surtout dans notre univers à nous. Oui. Et donc lui, il était avec son costume de Jon Snow et il était à table et tout le monde, hey Jon, ça va toi, tes parents et tout. Mon père a été tué et tout ça, je suis un bâtard, machin. Il parlait comme dans la série, tout le monde était choqué à table. Et tout. Oh, tu peux pas parler comme ça, Jon, faut que tu go. Et à chaque fois, toi, ça... Là, j'avais pas vu ça. Ah, c'était tellement drôle. Écoute... Je te montrerai la vidéo. Tout à fait. On rigolera ensemble. Oh, on tapera sur la cuisse et on dira quel bon moment on partage. Autre news qui n'en est pas vraiment une. Heavy Music Award 2018, voté Hellfest. C'est la dernière ligne droite pour envoyer le Hellfest sur le podium des Heavy Music Award 2017. Pourquoi ils ont marqué 18. Non, oui. C'est marqué 18. Ah bah je te jure que dans la news, c'est marqué 17. Hein. Bah c'est peut-être une ancienne news. Hein. 7 juin 2018 Oui. Nous espérons que notre travail effectué, blablabla, et on peut aller voter sur le site pour eux comme meilleur festival, je suppose. Ouais. Alors, j'ai pas encore été voté parce que j'ai eu un empêchement qui était à base de j'ai oublié. Voilà. Alors, moi j'y suis été. Ah bah tiens, j'y suis là, je peux le faire. Ah bah oui, en fait. Non, mais en fait, faut que tu votes pour tout. Donc, tu vas te faire chier. Faut voter pour chaque catégorie. Ah bah attends, je suis même pas dans les best photographeurs. Sérieux ? Et toi, t'es pas dans les best. Attends, dans quoi tu pourrais être ? Ah bah non, mais c'est compliqué là. Ah ouais. Ah dans les groupes. Moi je me. Ah mais c'est pour ça. Moi j'ai cliqué Hellfest et je me suis dit ouais c'est bon, ça le fait quoi. Ah et putain, en fait, derrière, Trivium et Metallica en meilleur groupe. Ah c'est bon, je peux pas faire ça. Je peux pas faire de jaloux. Je peux pas, non, ça me. On peut pas voter pour les deux. Sinon, dans La Voix du Sud-Ouest, il y a une interview de Ben Barbeau qui vient expliquer les raisons d'un succès d'enfer. Ouais, mais complètement. Qu'est-ce que tu en as retenu ? Plein de choses. C'est ça qui est beau. Ah là là. Mais alors, plein de choses. Moi, je me souviens vaguement d'un... De... Bah, du fait, en fait, qu'aujourd'hui, face au download, par exemple, bah, maintenant, lui aussi, il commençait à faire des espèces il augmentait les prix pour avoir ainsi Des groupes. Ouais, des groupes, être sûr de les avoir. En disant, bah voilà, je vous mets tant en plus, mais vous restez avec nous, vous n'allez pas jouer ailleurs, quoi. Donc... Mais derrière, il ne peut pas rivaliser avec tout non plus. Il ne peut pas faire avec tout le monde. Du coup, il est obligé de céder un petit peu la place. Ouais. Voilà. Donc, mais il disait qu'ils avaient un budget de 23 millions, je crois. Ouais. Et qu'ils avaient investi 15 millions pour tout ce qui est décor et autres conforts du festivalier. Donc, faire des routes, la pelouse, les pavés, les machins, ouais. Les trucs, tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Enfin, il y a plein de choses. C'est assez intéressant, d'ailleurs, parce que du coup, il parle un petit peu de tout, grosso modo. Ouais. Mais voilà, il y a toujours en plus cette manière-là de parler assez simplement des choses. Je trouve qu'il parle toujours à la cool. Tout en s'exprimant bien, d'ailleurs. Ouais, je me souviens, moi, quand l'année dernière, ils avaient eu un incendie, tu sais, qu'il y avait dans leurs locaux. Ouais. Et en fait, ils parlaient avec des riverains d'à côté, et lui, il était genre en mode, ouais, c'est pas fun, pas cool, mais non, mais ça a cramé et tout, non, bah, c'est bon, on n'a pas eu de casse. Mais voilà, le mec n'était pas en mode, moi, je sais que j'aurais eu une allumette qui serait restée allumée un peu trop longtemps dans ma cuisine, j'aurais été en PLS pendant 8 heures, quoi. Ah ouais ? Ah non, j'ai un problème, moi. Si j'en avais qu'un. Oui, c'est ça. Ah. Donc voilà, une interview assez intéressante, qui en plus s'est gardé un peu le mystère sur ce qu'on va pouvoir découvrir cette année en termes de nouveautés. Ouais, parce que... Ouais. D'ailleurs, je voulais rebondir là-dessus, sur le fait qu'il y a eu pas mal de choses dites, comme quoi il y avait des pavés installés devant les main stage et la Warzone, je crois. Ouais. Sûrement pour éviter la poussière, et que ça a été vu par beaucoup de monde comme « ouais, des pavés ». Mais en même temps, on pense toujours en termes de pavés à des trucs en béton. Ouais. Alors que ça pourrait très bien être comme pour les j'en parlais avec Julien qui me disait ouais, ça peut aussi être très bien un truc comme dans les airs d'enfants, c'est un truc en mou. Ouais. Ce qui serait plutôt cool du coup. Carrément. Donc du coup tu peux quand même continuer à être bangé, slammer et te ramasser la gueule par terre sans te faire mal et sans la poussière. Tout à fait. Donc à voir. Des pavés en mousse, enfin en poly quelque chose. Ouais voilà, mais en tout cas. Ne soyons pas forcément. Attendons de voir. Je les vois mal mettre des trucs en béton à même le sol. Ou des gros pavés parisiens, par exemple. Quoi. Ouais, voilà. En granit, quoi. Ça serait un peu chelou. Ouais, je pense aussi. Donc, sinon, suite à toutes les questions qu'il y a pu avoir autour de la cashless, qui fait quand même encore. C'est un petit peu sensation ce truc, parce que moi j'ai encore reçu un message ce matin qui disait si vous rencontrez un problème d'identification code barre, merci de contacter le service client avec. Franchement, rarement un truc aura autant été compliqué à mettre en place, j'ai l'impression, ou que les gens ont du mal à comprendre. Ils ont carrément sorti dictionnaire. Ouais, une FAQ spéciale sur la cashless. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'aller y jeter un coup d'œil. Pas du tout. Bah, moi non plus, j'ai un peu zappé. Du coup... Bah non, parce que nous, bah, je pense que c'est assez clair. Ouais, non mais après... On ne sait pas. Après, voilà, donc il y a une FAQ assez complète sur toutes les questions qui ont été posées, de comment faire, il t'explique tout. Il y a même des visuels pour t'expliquer ce que tu peux payer avec. Tu peux te rendre sur le site ou sur l'appli pour le créer. Le jour J, tu présentes ton billet à l'entrée pour récupérer ton bracelet qui sera préchargé. Sur place, tu payes tes consommations au bar. Tu peux recharger ton bracelet grâce à l'appli ou bien auprès des guichets. À la fin des festivals, s'il te reste de crédit, tu peux rendre sur ton compte en ligne jusqu'au 8 juillet 2018. Donc ça, c'est la petite FAQ. Il y a même une vidéo qui explique un peu comment ça marche. Il t'explique pourquoi créer un compte avant le festival. La création d'un compte est-elle obligatoire ? Non, mais fortement conseillé pour gagner du temps, etc. Le bracelet est-il payant ? Non, mais les frais d'activation de la puce présente sur le bracelet sont de 1€, comme quasiment tout aujourd'hui. Et les frais d'activation ne sont prélevés que lors du premier chargement. Comment récupérer son bracelet ? Est-ce que je peux utiliser mon bracelet cashless sur tout l'événement ? Ce sera l'unique moyen de paiement. Comment recharger mon compte ? Et ainsi de suite. Est-il possible de mettre plusieurs billets, bracelets sur un même compte ? Attention à la confusion, ajouter un deuxième bracelet sur un même compte. Bien sûr, sauf sur le LCT Square, par exemple. Oui. Non, mais sur le site en lui-même, une fois que tu franchis... Et pour le merch du Hellfest. La cathédrale. Ça marche aussi pour le merch ? Non, ça marche pas pour le merch. C'est ça. Pour sortir la carte bleue. Alors, si j'ai plusieurs billets un jour, dois-je créer un compte par jour? Non, surtout pas, tout ça. Que se passe-t-il si mon bracelet est volé? Comment prendre soin de mon bracelet? Tu le nettoies tous les jours, au savon et à la brosse. Il faut pas l'exposer à la chaleur ou une flamme. Et ne pas tenter de le percer. Voilà. Ne pas le mâchouiller. Non. Ne pas se l'introduire dans l'anus non plus. Non, voilà. Mais c'est pas en même temps, enfin, après, s'il est attaché, c'est un peu compliqué en même temps. Après, chacun. Désolé, hein, mais voilà, il y a des fois. Oui, ça paraît très con, donc forcément. D'accord. Faut aussi se laisser porter hein, par le festoche et découvrir. Hein. Voilà. C'est vrai. J'ai rechargé mon compte, mais je ne viens plus au festival. Voilà. Pas de panique. Voilà. Donc une FAQ assez complète, je pense qu'il pourra aider tous ceux qui ont encore des soucis. Voilà, c'est ça. Bah, ils l'ont sorti en tant que news quand même. Moi, j'ai reçu la notification sur mon téléphone, donc c'était. Ouais, non, mais des fois, on se pose des questions. Enfin. Non, non, on voilà. S'en pose pas. Les gens sont tous plus intelligents que les uns que les autres. Donc voilà, ça c'était pour les news du Hellfest. Il y en a peut-être une autre qui est passée tout à l'heure, mais comme j'ai pas bien vu, je peux pas. Est-ce que tu en as vu une autre passer, toi? Du Fest, non. Non. Est-ce que tu non. Non. Très bien. Non. D'accord. On va donc passer maintenant aux quelques autres news rapides du métal, à savoir le Running Order du Motoculteur est sorti. Oui. Est-ce que tu as vu des trucs sympas dans le Running Order ou tu as pas... J'ai pas vraiment jeté un œil parce que du coup... Ouais, j'ai pas... Bah voilà. Mais t'aurais pu regarder... Voilà. Bah après, j'ai vu les groupes, donc après le Running Order en lui-même, bah vu que je n'y vais pas... C'est pas au programme pour le moment. Potentiellement non. Donc, mais voilà. Non, mais ça aurait pu dire « Ah ouais, ça tombe en même temps que ça. » Genre, il y a quand même Devil Driver qui passe en même temps que rien. Ah ouais, ouais. Ah merde. Bah ouais. Ouais. Ça peut être gênant pour ceux qui veulent... Bah en fait, t'as des... Alors, sur la Devm Stage, t'as Devil Driver à 19h25. Mais en fait, c'est sur la Suppositor Stage et la Massey Ferguson qu'il y a deux autres groupes qui passent après. En fait, sur la Devm Stage... T'as toujours qu'un groupe à la fois. Genre, par exemple, t'as rien en face de Ministry, rien en face d'Alstorm, rien en face d'Ultra Vomit, rien en face de Devil Driver. Ouais. Ce qui est plutôt pas mal. Bah oui, du coup. Sauf ça peut que... permettre de rameuter un max de monde. Ouais, voilà, ouais. Donc, Tagada Jones, il n'y a personne en face non plus. Tout ci, tout ça. Voilà. Donc, en tout cas, le Running Order est dispo pour les trois jours. C'est propre, c'est clair. On sait de quoi on parle. On sait ce qu'on peut voir. Ouais, j'ai bien marqué. Ouais. À quoi s'attendre? Exact, la montesse. Donc, il y a une fac des festivaliers sortie par Hellfest France 3 que tu as très bien résumé hors antenne. À... Ouais, ça fait 29 épisodes qu'on le fait. Donc c'est... Voilà. D'ailleurs, on est un peu plus complet du coup. C'est vrai. Mais bon. Mais il faut se taper les 29 épisodes du coup. Ouais. Non. Moi, j'ai arrêté, à, comme je te disais tout à l'heure, où est-ce qu'on est obligé de boire de la bière si on... Enfin, est-ce qu'on doit venir si on ne boit pas de bière? Non, il y a de l'eau, non, il y a des trucs, c'est bon. Ouais, j'ai... Smashing Pumpkins, après 18 ans, ils ont sorti une nouvelle chanson. Ça fait plaisir parce que nous, on n'aime pas quand les groupes s'arrêtent. Nous, on est des gens qui. On aime la musique, on aime que tout le monde soit heureux avec. Hear the world, make it a better day. Ah, mais Michael est mort quand même. Quoi? Tu savais pas? Quoi? Michael. Bolton? Ah non! Non, il n'est pas mort. Il prépare un album de Noël. donc, une nouvelle chanson que j'ai écoutée, que toi aussi tu as écoutée, Bob. Yes. Et que moi j'ai dit, elle est sympa. Et toi, tu as dit, ouais, bah, c'est les Smashing. Je dis, ouais, mais c'est les Smashing d'avant, du début, un peu avec la bonne ambiance. Tu as dit, ouais, bon, enfin, j'ai jamais été très fan. Je dis, ah, oh, je fais ferme ta gueule. Et, ouais, et puis bagarre. Non, donc moi j'ai plutôt bien aimé la chanson. Toi, tu as dit, c'est les Smashing. Donc, ça veut dire oui, je crois. Oui, non, mais après, voilà, j'ai rien contre les Smash, c'est pas, y a pas de... J'aime bien. Ah non, elle est bien. Mais sans être un gros fan, j'écoute volontiers les Smash, voilà. Ah, mais tu vois, moi, quand je me dis qu'après 18 ans, ils sortent une chanson comme ça, potentiellement, il y aura... Ah bah, ça fait toujours du plaisir de se dire, tiens, ils sont... Tiens. Oui, mais surtout qu'il y a quand même potentiellement... Donc... Un album qui va sortir. Et donc, si la chanson est bien déjà, tu fais, hey, c'est cool. Ouais, mais des fois, tu sais, ils sortent les meilleures chansons... Et puis après, l'album peut être décevant. C'est pas faux ce que tu dis. Quelques news du Men's Square. Alors, nos amis du Men's Square, hein, donc on n'a pas trop fait de suivi récemment. Et là, c'est une petite news que j'ai vue parce que en fait, il y a plein de choses qui se préparent avec le festival. Je suis assez impressionné, en fait. On a dit qu'on n'irait pas parce que... On ne savait pas comment rentrer. C'était long et on s'est un peu perdu. Voilà. Non, en vrai, on n'était pas méga emballé par l'affiche, mais on y serait bien retourné sinon parce que c'est cool. Et juste, en termes de news qu'on a zappé, il y aura des jeux d'arcade de disponibles. Ouais. Il y aura de l'acrobranche, si tu veux faire de l'acrobranche. Il n'y a pas une tyrolienne aussi. Bah si, au niveau de l'acrobranche, il y aura une tyrolienne. Et aussi... C'est pas inévident, je suis d'accord. Et il y aura aussi une salle secrète dans la citadelle d'Arras, avec à l'intérieur une œuvre d'art interactive. Donc, je trouvais ça plutôt sympa. Donc, on ne cesse de le dire, mais le Main Square était vraiment une super expérience. Cette année, il y a Depeche Mode, Jamiroquai, Queen of the Stone Age, Aurel San, Gojira, Playmo. Voilà. Enfin, il y a des trucs. Enfin, il faut y aller. Parce que le cadre est magnifique, le festival est plutôt cool. Ouais, non, c'est cool. C'est Live Nation, mais il ne faut pas non plus tout condamner. En tout cas, le festival en lui-même était cool. Le site en lui-même était cool. Le site en lui-même était cool. Et les gens là-bas étaient formidables. Voilà. Voilà. Autre news, il y a eu 3 interviews disponibles chez nos confrères de chez Radio Métal. Et contrairement aux interviews... du Hellfest, elles sont tendance à être plutôt longues, mais fort intéressantes quand même. Oui. Du coup, une interview de Bullet for My Valentine de Tobias Forge, le chanteur de Ghost, si jamais vous ne l'aviez pas, et de Zillian Ardor. Moi, j'en ai lu aucune parce que j'avais mis entre parenthèses si j'ai le courage, apparemment. Pas du tout. Je ne l'ai pas eu. Toi, tu m'as dit avoir survolé celle de Tobias. Oui. Qu'est-ce que tu en as ressorti de ce survol? Rien. Voilà. Rien d'intéressant. Bah, il raconte un peu ce qui s'est passé avec, avec ses anciens Zikos. Voilà, pour dire que, en grosso merdo, les gens ne savent pas ce qui s'est passé. Donc, ceux qui lui crachent dessus en disant que c'est un con, qu'il a fait. Voilà. Il les laisse un petit peu tels des moutons. Quoi, et que, voilà. En fait, il disait grosso merdo que il voulait sortir ses potes d'une vie peu monotone et leur faire des tournées mondiales avec des super groupes et tout, et du coup qu'ils lui ont un petit peu craché dessus. Enfin, grosso merdo, c'est ce que j'en ai ressorti, quoi. Mais j'ai pas été jusqu'au bout parce que je me suis dit, c'est un peu bateau parce que tout le monde s'attend à ce qu'il dise ça, forcément, quoi, de son côté. Ouais. Donc on ne sait pas, du coup, le fin mot de l'histoire. On ne sait pas si vraiment il a arnaqué ses potes ou si c'est ses potes qui sont un peu montés contre lui en disant... on ne sait pas. Donc du coup... Il y a toujours deux versions à une histoire, et c'est vrai exactement. Que ça sera un peu compliqué tant qu'on n'aura pas l'autre versant. Après, ça ne nous regarde pas vraiment non plus. Non, non plus. Voilà, ça ne regarde pas le public. Nous, ce qu'on attend, c'est qu'il fasse de la musique comme il a toujours fait. Et il fait plus de la musique comme il a toujours fait, donc du coup, En fait, la seule vraie question qui pourrait être intéressante, c'est est-ce que la musique d'avant qui a fait découvrir Ghost était le fruit de son travail à lui seul ou de l'ensemble du groupe? Et donc, si la musique d'aujourd'hui est une suite donc décidée par Tobias et donc la suite de son projet, ou le résultat du fait que maintenant il est tout seul, voilà, c'est... Et encore, au final, je crois qu'il dit que c'est la suite de son projet. Je pense que c'est ce qu'il dit aussi, ouais. Mais est-ce que les gens le voyaient vraiment comme ça? Après, je suis prêt à le croire, parce qu'il peut y avoir une certaine cohérence, mais ça veut donc dire que tout le prochain album sera au piano-voix, je pense. C'est ça. Donc, en duo avec Véronique Sanson. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut pas être fermé comme ça. C'est ça. En tout cas, j'irai lire les interviews parce que comme elles ont beau être longues, elles sont quand même toujours hyper intéressantes. Enfin, pour ma part, de ce que j'en ai lu. Et que je suis... En fait, j'ai noté celle de Bullet for My Valentine parce qu'ils avaient l'air de cracher sur leur précédent album en disant qu'il n'était pas bon. Et que... Non, pas leur précédent directement. Enfin, ils ont expliqué qu'il y avait eu un truc sur un album dont ils n'étaient pas fiers. Et que le nouveau à venir, il y a des trucs qu'ils ont décidé volontairement, et que celui-là, ils assumaient plus. Enfin bref, j'aime bien quand les groupes font des constats d'échecs ou de réussites, mais sont capables de venir en discuter et de dire, voilà, là, pour X ou Y raison, on n'a pas fait les trucs bien. C'est toujours un peu intéressant de voir. D'ailleurs, ça me relance sur une nouvelle rubrique qui est apparue dans le rock hard depuis quelques mois. C'est ils reviennent sur un album qui n'a pas marché pour un groupe, et le groupe essaye d'expliquer leur vision de pourquoi ça n'a pas marché. Quoi. Mmh, intéressant. Ouais, ça c'est intéressant. Ouais. Chino Moreno a sorti un nouveau titre. Donc le chanteur des Deftones et d'autres projets variés, de featuring assez nombreux. Mmh. J'ai pas du tout été me renseigner s'il avait fait... Si c'est un album solo, quelque chose qui préparait. Je sais pas si t'as vu, toi, des trucs. Non. J'ai été écouter la chanson. Oui. Oui. Ouais. Bon, après, voilà, hein, ouais. C'est du Chino Moreno. Hein, c'est très aérien. Très, ouais, c'est pas assez... Avec des montées en puissance. Ça me fait un peu penser à du Deftones, ça, quand même. Hein. Ouais, ça m'a... J'ai écouté comme ça. Ça m'a pas déplu, mais ça m'a pas non plus transcendé. Mmh. Alors, il me faudrait une deuxième écoute. Ah, voilà la fameuse deuxième écoute. J'y ai pas été. Madball, dont le nouvel album sort vendredi. Donc on aura sûrement écouté d'ici le fest, parce que comme ils seront là-bas. Ben voilà. On va se faire plaisir quand même. Donc un nouveau clip avec la chanson Rev Up, avec une intro un peu hip-hop. Et une chanson. Raga. Raga, oui, pardon, ouais. Effectivement. Ou reggae ou raga. Non, tout à fait, oui. Raga, et après un morceau assez efficace dans l'esprit de Madball. Mm. Toi, tu m'as dit que c'était un peu répétitif. Ouais, à la fin, ouais. C'est... Bah, le morceau doit durer 4 minutes et quelques, je crois, ouais. Et à la fin, tu... T'aurais zappé 30-45 secondes, toi. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Bah, moi, j'ai bien aimé ce que j'ai écouté. Enfin, c'est dans l'esprit, quoi. En tout cas, c'est, voilà, c'est efficace. C'est Madball. Ah, bah, c'est efficace, hein. Parce qu'il y a pas, c'est chier. L'avantage, ça fait partie un peu des groupes comme Ed Blood où tu sais ce que tu vas avoir et t'es jamais déçu. Devil Driver, un nouvel exprès de ce. J'ai dit un mot qui n'existait pas, là. Si, ça existe, mais c'est pas dans le contexte. D'accord. Un nouvel extrait de l'album de reprise de country, toujours prévu pour le mois de juillet, il me semble. Avec une chanson de Johnny Cash. Zach. As-tu écouté la chanson? J'ai écouté. Alors? Ce petit duo avec Randy Blick. Alors? Et il y a la femme de Johnny Cash et le fils de Johnny Cash. Qui chante aussi? Qui chante, en fait, qui font un peu les chœurs, on va dire. Donc c'est principalement Randy Blick quand même qui chante sur le morceau. Ouais. Avec forcément Desfafara qui vient compléter assez régulièrement le morceau. Et derrière, tu vois la femme de Johnny Cash et le fils de Johnny Cash qui font les chœurs. Et le morceau, bah, faudrait une deuxième écoute, mais la première écoute m'a laissé un peu sur le vide, on va dire. Ça, ouais. Ça t'a moins emballé que le premier extrait. Ouais, ouais, parce que déjà, bah, c'est un morceau qui passe bien en country, mais en version métal à la Devil Driver... Je sais pas, il faut plusieurs écoutes pour vraiment me rendre compte du truc. Mais ça, j'ai pas accroché. D'accord. Ouais, sur la première, j'ai pas accroché. À voir. D'accord. À réécouter. Bon, alors j'aurais bien aimé venir apporter ma pierre à l'édifice. Mais tu l'as pas écouté? J'ai pas écouté. J'ai été. Ça m'a fait un peu penser au générique de Bonanza. T'sais. Ah ouais, carrément. Bah, c'est... Merde, je sais plus c'est quoi le titre. De la chanson? Ouais. Bah, Ghost Rider in the Sky. Ouais, voilà, c'est ça. Mais t'as un petit côté vraiment très... Bah ouais, c'est ça, un peu. Dans l'esprit du générique de Bonanza, quoi. Ouais, d'accord. Bah, c'est... C'est un morceau connu, hein, mais... Ouais, non, mais... D'accord. Voilà. Je trouve ça bizarre. Eh bah, écoute... J'irai écouter, et on n'en parlera pas dans la prochaine émission. Non, donc, parce que, de toute façon... As-tu d'autres news métal ou d'autres choses? Pour ma part, non. Très bien, très bien. Voilà. Ok. D'accord. Non, rien de... Pas de soucis non. De voiture donc... Non, non, non, ça va. Tu ah si, j'ai... Ah merde. Ah si, j'ai mon poste radio avec la chaleur, je pense, qui déconnait tout à l'heure. Ah merde. Ça me mettait nostalgie, puis... Mais juste... Mais t'as toujours pas de transmetteur FM? Demain. Il arrive demain? Ouais. D'accord. Faut me dire, hein, parce que sinon je prends le bien. Hein. Non, mais j'en ai pris un, du coup. C'est pour ça que je me dis, putain, poste de la bagnole qui déconne, alors je reçois mon truc demain. Non, mais des fois. Non, mais la vie, je te jure. Alors, cette semaine, nous devions écouter 3 albums. Je propose qu'on commence par ton préféré, ton attente, à savoir le nouvel album d'Orange Goblin. Ouais, mais qui n'est pas encore sorti. Bah si, t'as dit sortez la semaine dernière. Bah, mais elle coule pas. Ah. Oh, tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Oui, tout à fait. Donc il sort vendredi. C'est ça, le 15. En même temps que celui de Madball. C'est ça, le 15. Donc on va l'écouter... vendredi, pour, c'est ça, le 15. Pour l'épisode de la semaine prochaine. Voilà, tout à fait. Épisode... On en reparle mercredi prochain. Eh bien, c'est super. Bah voilà. Bah je te félicite. Merci, c'est gentil. Du coup, est-ce que tu as écouté le nouvel album de Tremonti? Non. The Dying Machine. Mais toi, tu l'as écouté? Ouais, 4-5 fois. Ouais. Alors, tu vois Je l'ai écouté déjà 2 fois dès vendredi matin. C'est bien. Alors, contrairement à un peu à l'effet que j'avais eu des... sur les singles, certains qui m'avaient un peu laissé en ventre mou, l'album, dans son ensemble, m'a plutôt plu, même s'il y a un ou deux passages assez... un petit peu trop gentil, un petit peu trop balade. Du coup, ça, ça m'a un petit peu moins emballé. Par contre, pour le reste, il y a vraiment... Il y a quelque chose qui fonctionne bien sur l'ensemble de l'album. En fait, je ne suis pas fan des morceaux plus calmes et du côté balade. Mais comme je savais que c'était un album concept, j'ai essayé de le prendre dans son ensemble. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Tout se marie assez bien. J'avais lu quelques critiques qui disaient que on n'était pas surpris. Ça restait du Tremonti un peu de base. Je ne suis pas forcément d'accord. Je trouve que c'est un Tremonti peu plus calme. Moi, ce que j'aimais bien justement dans Tremonti, c'était un peu plus d'énergie. Là, je trouve que c'est vraiment un peu contenu et que ça sert vraiment le propos, à savoir être un album concept autour d'une histoire et qui pourrait presque servir de BO après pour l'histoire. Je ne me suis pas, par contre, encore assez attardé sur les textes pour avoir un vrai retour sur la qualité de l'ensemble du concept, mais musicalement, j'ai bien accroché et ça m'a donné justement envie de poursuivre et d'approfondir le sujet. Je n'ai pas de nouvelles à savoir si le roman est sorti même aux États-Unis et encore moins en France. Mais en tout cas, cet album, je l'ai bien aimé. Même si je devais, si j'avais dû séparer certaines chansons, il y en aurait que j'aurais fait peut-être moins. Mais je l'ai vraiment pris comme un ensemble. Voilà. C'était le moment où Bob s'est échappé pour aller pisser. Bien entendu, j'étais tout seul, moi et mon monologue. Et l'autre album que tu as apparemment écouté, ouais, l'album de Zylénor d'Or, It's a Strange Fruit, c'est ça, Strange Fruit. Strange Fruit. Donc, tu as écouté cet album. Avais-tu écouté le premier? Est-ce que j'avais écouté le premier? Pas en entier, j'avais écouté quelques morceaux. Et je dois dire qu'il faut que je réécoute le premier. Et donc ce deuxième? Eh ben, ce deuxième, surprenant. Ouais. Très surprenant. Plutôt, j'ai été agréablement surpris, justement. Ouais. Par certains morceaux, d'ailleurs, qui sont... t'es une discrétion, toi. Oh la vache, pardon, excusez-moi. Ouais, par certains morceaux de comme, par exemple, Tagalak, Tac, Tac. Je l'ai pas écouté, ça. Tu l'as pas écouté, celui-là? Non, ça va bien. Don't You Dare. Ouais. Alors, ce morceau, il m'a surpris par sa puissance et son calme du début. Et... Mais il y en a pas mal de morceaux comme ça, en fait, dans l'album, parce qu'il y a pas mal de morceaux dans l'album, du coup. Ouais, même si on a certains, du coup, t'as l'impression que ça s'enchaîne assez vite. Donc, si tu fais pas gaffe, tu peux en te retrouver sur de... Mais il y a des morceaux assez courts. Ouais, c'est pour ça que tu ne fais pas gaffe, t'as pas l'impression. 2,44, ouais, puis ça s'enchaîne bien. Et ouais. Du coup, ouais, j'ai été assez surpris. Et ouais, j'ai bien aimé, franchement. Et je vais pas regretter, je pense, d'aller les voir, parce que ça peut donner quelque chose sur scène, quoi, ma foi, fort sympathique. Moi, j'avais déjà méga adoré la dernière chanson... dont j'ai oublié le titre, que je t'avais dit j'adore, et que j'arrive pas trop même à m'expliquer pourquoi, parce qu'elle est c'est celle que t'écoutais quand on est arrivé, quand je suis arrivé de ta mère. Ouais, que tu chantais tel ouais. un boys band. Ouais, mais j'adore Et j'avais un peu de mal à m'expliquer parce que pour le coup, ça fait pas du tout métal. En fait, t'as un fond de truc. C'est en sous-couche, je trouve, dans cette chanson-là, justement. Ah oui, sur ce morceau, ouais. Ouais, et donc, je trouve que ça marche trop bien, quoi. Je sais pas, j'arrive pas trop, moi, à Il y a des définir. choses comme ça que tu m'expliques pas. Non, mais tu vois, je suis toujours autant convaincu que c'est un groupe que tu peux faire écouter à des gens qui écoutent pas le métal du tout. Et qui peuvent être intéressés. Ça dépend des morceaux. Franchement, non, parce que c'est Ah hyper. Alors, bah si, attends. si, moi Il y a je te peut-être. disais le morceau tout de suite là, Il y a comment peut-être. Don't You Dare. Oui, mais si tu leur fais écouter justement l'ensemble, ça passera. Parce que ça sera comme s'il y avait plusieurs facettes du truc. Mais c'est tellement musical, je trouve. Ah bah moi je suis pas sûr. Bah, je pense que c'est assez puissant musicalement, justement. Moi, je trouve que c'est justement la force, c'est que. T'es pas en train de. Tu sais, les gens qui écoutent pas du tout du métal, ils font réfractaire dès qu'ils entendent quelque chose qui a l'impression d'être du bruit. Et c'est aussi Ah pour ça oui, que. quand ça commence par du brutal, tu veux dire. Ouais, mais souvent c'est ça pour eux. Hein. En général, tu vas pas commencer à faire écouter du métal à un groupe par un truc qui est pas puissant, justement. Tu dis, bah bon, j'écoute du métal, tiens, regarde, je te fais écouter un truc. Tu vas pas leur faire écouter. Un truc passe-partout ou une balade, tu vas pas leur faire écouter Nothing Else Matters. Ces gens vont dire, bah, c'est quoi ça? C'est Nothing Else Matters, c'est Metallica, c'est du métal. Ils vont faire, wow, non, c'est pas ça que je vais montrer. Là, Zillion Ardor, c'est carrément un sous-genre de métal, mais du coup, tu peux leur faire écouter, c'est ça aussi le métal. C'est aussi ça, sans pour autant avoir fait écouter une grosse balade un peu pourrie. C'est une autre variante qui peut justement amener à autre chose, moi. Ça peut faire les deux effets, moi je dirais. Je trouve que c'est beaucoup plus musical. Que réfractaire. Non, je suis d'accord sur ce côté-là, mais ça peut faire les deux effets, je veux dire. C'est soit tu peux ne pas. Enfin, je veux dire, ouais, non, j'étais sur un truc qui était très bien, mais là, du coup, je l'ai perdu. Bon, en fait, j'aurais tendance, je pense que tu peux plus facilement perdre des fans de métal que autres sur là-dessus, parce que les gens justement vont dire c'est pas du tout métal ou c'est pas assez ci, c'est pas assez ça, et que moi justement je trouve que c'est comme c'est la musique et l'ambiance même ou même la force du truc parce que je trouve ça puissant d'une certaine manière et il y a juste j'ai deux petits il y a juste un truc que j'aime pas trop il y a pendant deux chansons t'as une espèce de voix d'église ou de d'un chant T'as un morceau à moitié électro aussi. ouais ça me dérange moi parce qu'il y avait ça aussi un peu dans l'un des espèces t'as l'impression que c'est un peu des essais et d'ailleurs des essais qui rappellent d'autres choses moi ça me faisait penser à d'autres morceaux j'ai plus du tout la référence, mais ça me faisait penser à un autre truc. Dans le premier, il y avait un truc qui me faisait penser à Yann Tiersen, et là, ça me faisait penser à autre chose. Mais non, mais c'est à un moment donné, comme un mec qui chante d'une église, enfin, je sais pas comment dire, assez black, que tu peux Chant retrouver. grégorien, un truc comme Ouais, ça? un truc un peu comme Ouais. ça. T'as ça à un moment donné dans un morceau. Ah, j'ai pas. Je me rappelle pas. Et ben, moi, c'est un peu ça. Ça m'a un peu fait décrocher du truc. Ouais. Parce que je trouve que la voix du chanteur est largement suffisante, quoi. Que ça soit en chant normal ou en chant dit black metal quoi. Mais tu sais que c'est quelque part t'aimes ça, c'est un peu le début du black metal pour toi. Dingue. Moi je dis ça. Non, mais moi j'ai découvert Zillion Ardor forcément grâce au Hellfest. Et j'ai découvert Zillion Ardor avec Devil Is Fine, je crois, si je Ouais. me trompe pas. Hein, un morceau très. Et je me suis dit tout de suite, c'était du blues. Et je me suis dit, tiens, c'est pourquoi pas du blues? Et c'est vrai qu'en approfondissant, tu vois un petit peu le côté très torturé, on va dire, écorché du groupe, on va dire, en lui-même. Et c'est ouais, c'est assez prenant. Et du coup, très surprenant, prenant. Et voilà, tu. Enfin, je sais pas, soit t'adhères pas du tout, quoi. C'est l'un ou l'autre, quoi. C'est soit tu dis ouais, j'aime bien, ou soit tu dis bah non, j'aime pas du tout, quoi. Bah, je suis encore une fois, je suis partagé sur ça. Moi, je pense que vraiment, ça peut séduire beaucoup, beaucoup. Il y a qu'à voir en même temps, toi, regarde, ça va jouer à Montreux, ça va jouer à Wacken, ça joue à Hellfest, c'est hyper large, quoi, pour moi. Ah, il joue dans les festivals de jazz. Eh ben oui. Bah oui. Donc, pour moi, justement, ça peut parler à tout le monde. Ça peut être c'est que ça peut être la pierre qui fait le lien avec tout. Oh, dingue! Ouais. Non, mais en tout cas, c'est un très bon second album. Écoute, à voir sur scène. Ouais, je suis assez curieux Voilà. aussi. Apparemment, en plus, ils sont trois chanteurs. Isaac, j'ai vu ça, tout à fait. Donc du coup, enfin, trois chanteurs, hein, ça sera forcément sur CD, il est tout seul, mais ça va... Ouais, ça peut donner encore un plus en puissance, justement. Bah, quand tu regardes les... Enfin, t'as regardé ou pas 2-3 vidéos sur Internet ? Bah ouais, je crois que j'ai commencé, j'ai vu le clip de Diva Lay Fine, et puis après j'ai enchaîné sur des, des parties scéniques. Il y a des autres chanteurs, ils se donnent à fond hein, pendant la chanson. Hein, ouais. Donc ouais, non, je pense qu'il y a moyen de... Je pense qu'il y a, moyen de passer vraiment... Enfin, de découvrir un truc hyper intéressant. Mmh. Tout à fait. Voilà. Bon, bah voilà, c'était tout pour cette semaine. Voilà. Donc, bah... Ce fut court. Non, on va passer... On va passer au dossier le festival, après avoir fait le Hell City Square et le Metal Corner. Donc on va passer directement par le cœur du Hellfest. La bouffe. Ah non, c'est pas ça. Non, mais non, on l'a pas la bouffe. Donc je te laisse en parler. Salaud. Attends, j'ai pas mon dossier. Faut que je ressorte mon dossier. C'est quoi? C'est le bleu, c'est ça? J'ai rien fait en dossier. Donc... T'as rien fait en dossier? Non, je sais pas. Putain. Non, mais vas-y, s'enfiler, mec. S'enfiler. Ah, tu dis que, voilà. Tu commences par la cathédrale, tout ça. Alors, vas-y. Ah, putain. Bon, alors, avant d'arriver sur le cœur même du site, il faut franchir la fameuse cathédrale, qui n'est rien d'autre qu'un tissu tiré... Le mensonge. Qui n'est quoi? Qui n'est rien qu'une arnaque. Hein? C'est une fausse. Donc, c'est pas une vraie cathédrale. On peut même pas aller prier dedans, il fait pas froid, il y a pas de vent sur le parvis. Mais qui reste malgré tout magnifique. Tout à fait. Que ça soit de jour comme de nuit. À savoir, à noter qu'il y a 2 ans, on a eu beaucoup, beaucoup de mal à circuler pour rentrer. Et dès l'année dernière, ça avait été réglé. Et maintenant, la fluctuation des gens se fait, malgré une palpation, se fait assez rapidement. Mmh. Et nous voilà donc arrivés directement sur le site où il y a donc 6 scènes, mais pas que. C'est là aussi où on peut retrouver le merch officiel du Fest et nulle part ailleurs. Donc, pour ceux qui veulent s'acheter un beau t-shirt, une belle casquette ou même des chaussettes hautes, c'est que sur ce site-là. Donc, ça sera dès à partir de 10h le vendredi matin. Et après, ça sera une file d'attente très très longue. C'est là aussi où on peut retrouver les différents espaces de bouffe, donc le Hell Snack et le Hell Beer. Je sais plus ça comme ça. Ouais. Donc, et le Hell Pinard. Ouais, aussi. Où on peut payer avec la cashless, à savoir. Et le Hell Fresh. Et le Hell Fresh. Qui lui est gratuit. Voilà. Qui servait. Qui était un endroit pour rafraîchir avec le gros soleil, mais on n'a pas trop pu l'utiliser. Bah non, parce qu'il était à l'ombre, on lui. Déjà, à la base. Et puis, parce qu'il y avait toujours un peu du monde. Ouais. Et puis, on n'a pas réagi tout de suite, qu'il y avait un coin. C'est un petit peu la force du festival, et c'est un peu ce que j'ai essayé de dire dans la photo que j'ai postée hier. C'est que des fois, le Hellfest. Ils placent des décos à différents endroits, on ne fait pas gaffe. Et voilà, je veux dire, l'année dernière, il y avait l'hélicoptère qui était écrasé. Mmh. Il y avait donc des décorations au plafond faites en fil de je ne sais pas quoi, qu'on peut voir, machin. Enfin, donc il y a plein de trucs, il faut vraiment regarder partout en fait. Ouais. Que ce soit la carcasse de coccinelle faite en scorpion. Ouais, il faut vraiment avoir l'œil partout. Il ne faut pas hésiter à prendre 5 minutes pour regarder à droite à gauche. Ouais. Donc. Le merch, les bars, la bouffe, qui se retrouvent à différents endroits de chaque scène. Tu m'arrêtes si je dis des conneries. Tu t'arrêtes, ça fait 29 épisodes que t'en dis des conneries. Donc, quand on arrive directement dans le site même du Fest, sur la droite, on arrive sur la vallée, qui est un petit peu ta scène, ta tente favorite. C'est ma scène. C'est ta scène. Ouais, la scène c'est ma tente, où... c'est à moi. Il va y avoir... Mon nom, tu vois, quelque part, où on peut retrouver un petit peu tous les groupes de stoner, d'ambiance, les mystiques et Zach. Et à forte concentration de drogue. D'ailleurs, petit conseil, n'amenez rien à consommer, vous consommerez de toute manière. Voilà. Faites vous des avez juste à traverser la foule. Voilà. Restez un petit concert ou deux, vous serez complètement red def. Donc une scène qui a vraiment de très belles lumières. Par contre, ça c'est ce que moi j'avais remarqué. Pour les photos, ouais, franchement, c'est top. Et plutôt un beau son. Oui. Donc, mis à part pour Red Fang. Ah, il était mal placé. Mm. Juste à côté, on a Altar, si je dis pas de bêtises. Non. C'est la Temple ? Ouais. Altar, elle est un petit peu plus loin. Ah, pardon, excusez-moi. Attends, j'aurais dû regarder sur mon plan. Je devais avoir un plan quelque part. Ouais, on a un plan, mais de mémoire, je crois que c'est... Non, mais je pense que t'as raison, mais j'avais... Altar qui fait les trucs un petit peu plus brutaux. Oui, c'est brutaux. Ça, c'est la Temple. Tu avais raison. Donc, la Temple où on peut retrouver... Alors, moi, j'ai un petit doute à chaque fois. Altar and Temple, c'est un peu similaire ou pas, tu dirais? Ben non, en fait, parce que je pense que Altar fait plus dans l'underground brutal et dans le gros death black metal, vraiment, et... que la Temple fait plus dans le... dans le comment je pourrais dire ça, dans le plus cool, on va dire. Ah ouais, ouais. Ah, moi j'aurais cru que c'était la Temple qui était plus black metal, tu vois. Non, quoi. Non, c'est la Altar qui est vraiment très très black metal, tu vois. Ah oui, quand même. Ouais, bah oui, bah attends, oh. D'accord, ouais, très bien. Donc la Temple sera donc la scène du black metal et autres sous-genres de la colère et de la sombritude. Ouais. Bah non, alors, je suis con, je viens de dire. Eh ben voilà, c'est ça. C'est non, ça. Mais je te laissais finir. Bah oui, tu me laissais dire. Bah, dis, oh, bah, ah. Donc, à côté de la vallée, il y a Temple, où il y a quoi comme style? On t'écoute, Bob. Parce que moi, je dis n'importe quoi, donc autant... Tout de suite, il se vesque, tout ça. Et je me vesque pas, mais je... c'est important d'être précis, et là, comme je ne le suis plus... Par exemple, il y a des groupes comme, je dirais, Korpiklani, Alstorm, tu vois, qui sont pas... Ils ne sont pas référencés. Ils ne sont pas des groupes brutaux. Enfin, tu vois, qui sont... je ne sais pas comment je pourrais dire ça. Si, avec des mots. Je te merde. Et tiens, démerde-toi. Ah, oh, mais quoi, mais non, mais c'est comme tu l'as dit, la Temple, c'est plus où il y a des groupes un peu entre deux. Des groupes un peu à la cool. Ni trop dark, ni trop brutaux, mais un peu entre deux. Voilà. Et juste à côté, mais alors collé à côté, il y a Altar, où là, par contre... Alors là, ça dépulpe les nichons. Comme ah, on alors là, on y va à coups de black metal, on y va à coups de death metal, à coups de brutal metal, à coups de metal. Ouais, et à coups de metal. Hurlant même, des fois. Par exemple, des tout fois. À fait. Et une fois qu'on a fait un petit tour derrière tout ça, donc déjà, si t'as fait la vallée, Temple et Altar, déjà, t'es bien. Ouais, ça va, ouais, tu peux faire un week-end avec ça. Donc, une fois que t'as sorti de ces trois tentes. Et que tu diriges vers ce qu'il y avait avant de la pelouse ou de la poussière, tu te retrouves à faire face aux deux énormes main stage qui sont en fait le rendez-vous d'une certaine... C'est un peu le parking des anges. Oui, c'est il y a une certaine catégorie des festivaliers qui ne viennent que pour ces deux scènes. Voilà. Donc ça voit passer qui voit passer devant elle vraiment tout type de groupe avec une petite préférence pour tout ce qui est mainstream, populaire, les grands groupes, tous ceux qui remplissent des zéniths à tire-larigot et... Exact. Et par contre, du coup, n'aie pas peur d'avoir des fois des groupes un peu différents. Tu peux retrouver des groupes de black en main stage si le groupe est assez populaire. C'est vrai. Donc, mais c'est un sur le week-end. Ouais. Mais quand même. Ouais, ouais. Du coup, les main stage 2 s'enchaînent, une fois le concert sur l'un, après sur l'autre. Et tu vois le public qui bouge de gauche et de droite. Et de gauche et de droite pendant toute la journée. Bâbord, tribord, comme disent nos amis les pilotes autres. Automobiles. Ouais. Et donc, c'est souvent les deux scènes que moi et Bob aimons le moins. Bah, qu'on évite au maximum parce que bah, la plupart du temps, bah, y a pas ce qu'on aime. Alors, ça arrive qu'il n'y ait pas ce qu'on aime et souvent... Et ça arrive qu'il y ait ce qu'on aime. Ça arrive qu'il y ait ce qu'on aime et souvent, en pleine journée, bah, nous, on trouve que le son est un peu plus désagréable. Le placement et l'ambiance en général est forcément moins intime que sous une tente, parce que sous le tente, tu retrouves quand même vraiment l'essence même d'un concert comme dans une salle. Exactement. Et donc, perdu au milieu d'une pelouse, et ben, c'est vrai que tu peux effectivement t'asseoir dans l'herbe et passer un bon moment, et voir les groupes s'enchaîner. Tout à fait. Tu peux essayer de découvrir des trucs. Moi, j'ai un très mauvais souvenir, par exemple, du concert de Devil Driver l'année dernière, où je n'ai pas du tout apprécié. Il y a des fois ouais, où on n'entendait pas le son, ouais. Du coup, c'est vrai qu'on était pourtant à côté. J'avais l'impression d'être en dehors du truc. Ouais. Mais paradoxalement, Skindred, ça ne me l'a pas fait alors que c'était à peu près pareil. On était plus proche. Tu trouves ? Et on était à gauche. On était à gauche. Donc voilà, par contre, le soir venu, on a quand même vu des trucs de fou. Tout à fait. Donc ça peut... C'est vrai que c'est plus une... pour nous, ouais. De ce que je constate des 3 ans que tu as fait avec moi. Ouais. Et de, bah, des, je ne sais plus moi, 7 ans je crois, 7-8 ans, que je fais le Hellfest. C'est plus une ambiance du soir, ouais. Enfin des scènes du soir pour moi. C'est, que ça je marche, trouve très intéressant. Ça marche mieux le soir. Ouais. Donc, parce que bah il y a tout, il y a le son, la lumière, ouais. Le vent se calme aussi, hein, aussi le soir. Ouais. Alors du coup bah le son se répartit mieux. Et puis bah les shows. Hein. C'est plus sympa. Rappelle-t'en-en, Ghost, bah, Rob Zombie. Après, si on veut faire un autre petit comparatif, dès le matin à 10h, les premiers concerts sont agréables en même temps. Ah, sont très agréables, ouais. Parce donc, que pas beaucoup de monde, parce ouais. que bah, plus, le son est bon. Plus direct dans ta gueule, moins épars. Voilà, ouais, il ouais, y a moins de monde, donc du coup... Donc bien sûr, entre l'entrée de la cathédrale et toutes ces différentes scènes, il y a différents points Wi-Fi, et donc comme je le disais, différents... point d'alimentation de bière. Il y a aussi, alors sur le côté de la main stage, face un peu à altar et temple, la grande roue. Pour ceux qui ont envie de, qui ont trop d'argent et qui ont plus soif, mais qu'on ne peut pas payer en cashless de mémoire. Non. Et ça devait être. Je pense que c'est un indépendant, je crois. Mais je crois, ouais. Donc, ça devait être 5 euros le tour. 5 euros, ouais. Ouais. Donc c'est quand même cher, même s'il faut le faire une fois, parce que c'est sympa. On l'a fait une fois. Voilà. On l'a fait, donc c'est bon, on est voilà. tranquille de ce côté-là. Rappelle-t'en-en le concert qu'on voyait. Cavalera Conspiracy. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Parce que, bah non, c'était Sepultura. Oui, pardon, désolé. Pas... Ah. Bah oui, justement, nous on voulait voir Cavalera Conspiracy. C'était Cavalera Conspiracy, chante Sepultura. Voilà. Et c'était pas ouf. C'est pour du ça coup. Qu'on est parti. Et qu'on avait trop de pognon, alors du coup... C'était la fin du week-end. Voilà. Il y a aussi un endroit mythique du fest, qui n'est pas loin de la Grande Roue, et toujours face à Altar et à Temple, c'est le Kingdom of Muscadet, qui est une forêt, parce que quand on peut se permettre, pourquoi ne pas mettre une forêt au milieu de son site ? Donc un vrai coin ombragé, très agréable, que ce soit le jour comme de nuit, avec des coins à l'ombre, souvent blindés le jour... Et une ambiance de forêt un peu cadavérique. Mystique. Et un peu cadavérique la nuit venue. De manière, il y a vraiment deux faces au festival, hein, le jour totalement. Et la nuit. Hein. Donc, c'est vraiment la particularité, c'est qu'il y a un festival qui est très agréable, avec déjà beaucoup de choses à voir de base de jour et de nuit, avec les flammes, les éclairages. C'est vrai que tu as oublié la place. La petite place qui est devant le Kingdom of Muscadet. Voilà. Donc qui est complètement entre Altar, Temple et ça, où il y a au merch et au bar. Oui. Où il y a donc un feu tous les soirs où plusieurs en fait. Selon les années, il y a toujours quelqu'un qui vient cramer du bois. Voilà. L'année dernière, il y avait un mec qui marchait sur des chaînes à côté. Voilà. L'année d'avant, il y avait juste un mec en colère qui jetait des bouts de bois dans le feu. Oui. Régulièrement d'ailleurs, hein. Ouais. Il venait assez souvent. Ouais, en colère. Ah. Souvent le même d'ailleurs qui était en colère. Qui est toujours en colère. Ouais. Un coin. Il y a des spectacles hein, des fois, hein, de jonglage, de, ouais. De crachage de feu et tout. C'est vraiment des petits interludes qui sont ni plutôt prévus, agréables. Enfin, qui sont pas indiqués ni rien, donc ça va vraiment au de... enfin, voilà. Bah, c'est pour ceux qui sont là. C'est ça. À ce moment-là, qui se pose, il y a des bancs, il y a machin, il y a tout ce qu'il faut pour se poser. Il y a aussi un skate. Il y avait le skatepark ou pas l'année dernière ? Parce que... Santa Cruz ? Bah, il y avait il y a 2 ans ou 3 ans, mais l'année dernière, est-ce qu'il avait... il a été je déplacé ? Je ne sais pas. Je ne sais il pas. A été déplacé. Il y a tellement de choses que à la fin, tu. Mais c'est ça en fait, c'est que la limite que tu perds dans le. Tellement c'est grand. Dans les couloirs du temps. Et donc, à côté de ça, il y a aussi la fameuse quand on rentre sur le site. Donc, je vous ai parlé des 3 scènes sur la droite. Donc face au loin, la main stage, et sur la gauche, le Kingdom of Muscadet et la petite place où il fait chaud, parce que forcément, on vient cramer du bois pour nous réchauffer quand le froid clissonné vient nous saisir. Il y a, à côté de tout ça, qui fait le lien entre tout, la rue de la bouffe. La rue de la bouffe. The Food Street. The Disneyland to me. The Stairway to Heaven. Oh là là là là, c'était ça la meilleure heure. Donc en fait, c'est une rue où il y a des indépendants de bouffe de tout. De tout, de tout. Que tu sois vegan, que tu sois fan de couscous, que tu sois fan de bouffe... Que tu te nourrisses que de glace. Mais oui, voilà. Que tu aies envie de manger des sandwichs, de la viande, qu'elle est trop bonne, parce qu'on y va tous les ans. Il y a de tout. Ils sont plus là. Ils sont au niveau de la Warzone maintenant. Ouais, bah oui, mais bon, c'est pour dire qu'il y avait de tout. C'est important de dire qu'il y avait patate bœuf. Ouais. Pour dire que quoi que tu as envie de manger, il y a. Genre, tu veux manger asiatique, il y a. Tu veux manger Kurdistan, il y a. Il y a vraiment de tout. Alors, tu peux pas pizza, payer. Pizza, kebab. Tu peux pas payer en cashless, sauf certains. Très rares. Cashless, non, il y a vraiment que le. Ben, il y en a deux, trois. Ah mais, ouais c'est, ouais, mais c'est marqué, tu sais, devant, cashless autorisé ou pas. Ah oui, d'accord. Donc, c'est deux. Faut bien zioter, quoi. Ouais, voilà, faut vraiment, sinon, faut avoir un peu d'argent. C'est souvent très cher, on va pas se mentir. Oui. Je veux dire, c'est bah, pas... Ça reste assez correct parce que je me rappelle des kebabs, c'était 5,50 ou 6 le kebab. Bah, ça reste le même prix que dans le commerce normal. Quoi. Ouais, alors ces trucs-là, oui, mais dès que tu veux, on avait pris un truc, on s'était arrêté, c'était pas un kebab, le truc où on avait fait la queue. Je sais plus ce que c'était, on avait pris un truc et c'était genre 7-8 euros, quoi. T'en as pour ton argent, mais ça va vite, quoi. Ça, ah bah, le pognon, par contre, ouais, faut... Je veux dire, si tu prévoir, tiens compte du prix de la bouffe du Hellfest, les Hellsnack, bah, c'est beaucoup moins cher. Ouais, c'est sûr. C'est sûrement moins bon. Mais derrière, ça porte bien son nom. Voilà, snack, c'est un snack, quoi, c'est ça. Voilà. Tu peux en manger deux facile, mais c'est... Voilà. Et donc, si tu quittes la forêt du Muscadet et la rue de la bouffe, tu arrives face à la meilleure scène... depuis sa rénovation il y a 2 ans. Putain, grave. La Warzone. Donc, il y a elle aussi sa propre mini-rue de la bouffe en hauteur. Ouais, ouais. Et qui porte vraiment bien son nom. Elle a été totalement redécorée et refaite. Et déjà, bah, en haut, t'as une énorme statue de Lemmy que tout le monde a vue de partout. Donc, ça sert à rien de travailler là-dessus. Et toute la décoration est faite à base de containers posés les uns sur les autres que tu te demandes comment ça se casse pas la gueule. C'est vissé. Hein ? Avec de la vis de 12. Bah oui, c'est ça. Et que tout le tour ressemble un petit peu à une espèce de cour de prison. Ouais, c'est un camp fortifié, en fait. Ouais, voilà. Avec des miradors, il manque plus que les chiens et les mecs avec les fameux. Et donc, il y a vraiment une ambiance particulière directement. Autant on peut noter une ambiance dans chaque autre scène, mais liée à la... au groupe qui viennent et tout ça, parce qu'en soi, sinon Altar, Temple et Valet sont assez similaires. Oui. Elles n'ont pas forcément d'identité propre. Bah, je dirais que si, quand même, parce que le nom et le style musical collent bien aussi. Voilà, je suis d'accord, ça va bien avec. Et puis il y a une espèce de couleur ou d'ambiance avec la lumière qui fait que ça marche. Ouais. Mais la Warzone, elle a vraiment. Ah bah, la Warzone, c'est la Warzone. C'est la Warzone. Ah si, ça colle, je veux dire. Non, parce que oui, mais plus que les autres, c'est ça que je te parle. Elle a vraiment encore plus son identité que toutes les autres. Ah là-bas. Bah oui, parce qu'elle est vraiment postée là où. Bah c'est ça que j'essayais de elle dire. Elle est reculée, elle est vraiment. Elle est reculée, et puis il y a le décor extérieur et tout. Et pareil, la nuit aussi, elle change un peu de gueule. De gueule. Et avec vraiment une possibilité en plus de voir la scène partout où on est. Ah, ils ont assuré sur le coup des gradins. Ouais, les gradins sont bien et tu peux vraiment voir jusqu'en haut et tu passes vraiment. Ça arrivait très souvent l'année dernière qu'on finisse en Warzone pour voir les concerts, quoi. Ben ouais. Donc là. C'est la meilleure scène. Hein. Je pense. Ouais. Je pense. Le son est bon. Mmh. Elle est pas trop grande. L'année dernière, le petit côté poussière apportait vraiment un truc en plus, je trouve. Ah bah carrément. Apportait vraiment bien son. Ouais. Donc voilà, grosso modo, pour le site du festival. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a d'énormes points d'eau. Ah non, il y a un petit truc qu'on a oublié. Il y a beaucoup de points d'eau, de toilettes, d'endroits où uriner. Où, voilà. Oui, bien sûr, vous déféquez. Alors n'oubliez pas, quand vous allez aux toilettes qui sont à côté de la Grande Roue, c'est que dans hauteur, tout le monde voit votre kiki. Voilà. Bon, après, voilà, si vous n'êtes pas pudique, c'est pas grave. Hein. Non, non, mais si vous avez envie, justement, de le montrer. C'est ah, plus oui, dans ce sens-là. Si ah, les gens oui, ont okay. envie de... Oui, mais il y a des enfants, quand même. Merde. Oui, non, mais... Et, donc, il y a aussi, entre la Warzone et la forêt du Muscadet, le petit bar à vin. Tout à fait. Ou, pour le ce... petit, oui, enfin, le... qui a bien grandi. Qui a bien grandi, moi, ouais. Je l'ai vu plus petit que ça. Donc, si vous avez envie de goûter un vin local ou... de vous faire plaisir et que vous en avez un petit peu marre de la bière, ou si vous avez pris un petit snack mais que pour manger vous avez besoin de vin parce que la bière ça marche pas pour... bah voilà, et puis il faut boire un verre de vin par jour, c'est... pour la santé, c'est bon, c'est plein bon. De vitamines, voilà, c'est conseillé, donc voilà, c'est enfin, un bon. C'est un plus, donc cette année normalement il y aura encore des nouveautés, donc bah on a hâte. Je pense qu'ils vont, enfin c'est un avis, mais certainement géré par rapport au soleil. Oui, qui était le principal. Plus de points d'ombre, ouais. Je pense. Créer des points, je ne sais pas, ombragés avec des toiles ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que tu vois tout de suite quand Il a fait les chaleurs qu'il a fait l'année dernière, l'année passée et il y a 3 ans aussi, parce qu'il y a 3 ans, tout le monde s'accorde à dire qu'il ne faisait pas si chaud que ça, mais si, il faisait très chaud il y a 3 ans. Et tu vois toutes les ombres en fait des arbres. Je sais pas si tu te rappelles, justement, quand tu passes au niveau du merch, la Temple Altar, le merch qui est sur la droite, et tu as les arbres en fait. Quand ouais. tu descends. Ouais. Et en fait, les gens forment vraiment le. La forêt. Ils se mettent vraiment au niveau de l'ombre, pile poil. Donc, tu vois là la forme des arbres, en fait, de l'ombre des arbres, formée par les humains. Ouais. Et donc, ça fait une foule assez, assez impressionnante. Et c'est assez drôle, je me suis fait la remarque plusieurs fois. Mais... Bah, c'est vrai que le moindre point d'ombre est pris d'assaut. Quoi. Ouais, c'est ça. Et que ça, ce qui manquait un tout petit peu, et que normalement, effectivement, ça devait être revu. Après, ils ont été surpris beaucoup l'année dernière. Quoi. Je dirais que ça aurait pu être fait avant. Tu crois ? Ça fait 3 ans quand même qu'il fait cette chaleur-là. Pas autant que ça. Vu que là, dès le samedi, ils étaient à court d'eau. Il y a 2 ans déjà. Enfin, je veux dire, l'année dernière, il a fait ultra chaud. Ouais. L'année d'avant, il a fait ultra chaud aussi. Et il y a 3 ans, il a fait très chaud. Donc, c'est un truc que tu peux prévoir quand même à l'avance. Peut-être, mais ils ont fait la Warzone entre-temps. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Donc c'est... Pour revenir aussi à ça, c'est dans l'interview de Ben, c'est qu'il expliquait aussi qu'il y avait beaucoup de... que les 15 millions ont servi aussi à faire passer toute la fibre pour la Wi-Fi et aussi le pipeline de bière. Pour la bière. Ouais. Ah, oui. J'imagine que ça coûte très cher, ce genre ça, de truc. Ça, oui, quand même. C'est quand même Il n'est pas prêt, le truc. Il est assez loin. Il n'y en a pas beaucoup qui ont leur propre truc de bière. Ouais, non, mais vrai, c'est ça. Quoi. C'est pas... faut changer le fût, là. C'est pas... c'est pas ça. Ce qui est assez fou d'ailleurs dans le principe. Je pense que la réunion elle devait être sympa. Bon, comment on fait au niveau des fûts, Ben ? Quel fût ? On a encore des fûts ? Vous êtes con quoi ? Non, bon, on va installer un pipeline. Ah ouais ? Ok. Un biéroduc. Ok, donc maintenant on arrête les conneries, on travaille pour de vrai ? Non, non, mais je suis sérieux. Wow. Ok. T'as combien à mettre ? Ça va. Bon, qu'est-ce qu'il nous donne l'État ? On s'en fout. Ah, d'accord. C'est ce qu'il disait justement. Voilà, grosso merdo, c'est un peu ce qu'il disait. Quoi. Qu'au début, ça se passait bien. Puis ils ont fait les malins. Puis on leur a dit bon, tant pis. On n'a pas besoin. 20 000 euros sur 25 millions. Je veux dire, qu'est-ce que c'est ? Non, en plus, avec la manière dont il le dit, il dit s'ils me les donnent, je les prends. Mais maintenant, j'ai plus besoin. Donc, tant pis. Voilà. C'est pas, voilà. Mais il le dit en même temps. C'est tout à fait compréhensible. Il dit justement que les politiques, c'est ça en fait. Tant que ça va bien. Si ça va pas, ils sont contre vous. Puis là, ça redevient doucement, mais ils osent pas trop. Donc, ils sont frileux. Voilà. Parce que justement, il y a ce côté, ça marche et ça fait parler De la région et tout. Donc tu peux pas le nier, quoi. Ah c'est clair. Donc, mais comme ils ont pas encore. Ils ferment leur mouille, quoi. Puis, comme ils sont pas encore capables de venir d'être à fond derrière, c'est un d'entre deux. Voilà. Et puis ils se prononcent pas, les mecs, quand même. Parce que aussi, au niveau du christianisme, catholicisme et tout ça, machin, tout non, mais... il y a toujours des... Comme il dit, quoi, ils veulent bien venir tous les ans pour dire « Oh, c'est très bien, tout voilà. ça, mais... » En bus tour. descendez, allez, venez, voir. C'est joli. Regardez. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait redire sur le site en lui-même, et qui reste de ce qu'on a appris un peu à droite à gauche, autour de ce qu'on a lu, l'un... Si ce n'est le meilleur festival en termes de décoration et d'ambiance, pas qu'en France. Si je ne me trompe pas, le site et le camping doivent faire 50 hectares. Attention. Si ça peut donner une idée. Voilà, il annonce des chiffres. Non, de ce que j'ai vu. Peut-être. Donc 50 hectares, c'est pas mal. C'est bien. Non, mais c'est vraiment quelque chose qui est très agréable, c'est qu'il y a de la place, quoi. Mm. Je veux dire, c'est vrai que des fois, on peut se dire « Ah, c'est chiant de passer d'une scène à l'autre, mais ça se fait bien. » Tu ressens le monde, forcément, un petit peu, mais pas tant que ça. Tu le sens vraiment quand tu vas aller en main stage et bien te placer, là, oui. Oui. Oui. Après, passer d'une petite scène à l'autre, voilà. Non, ça se fait bien. On est loin de l'ancienne Warzone où tu ne rentrais pas. Voilà. C'était fini, tu ne rentrais pas. Donc là, voilà. C'est vraiment... c'est un beau festival et ça a été bien pensé. Maintenant, on ne va pas se mentir, on a hâte de voir ce qu'ils ont prévu et aménagé pour cette année. Quoi. Donc, voilà un petit peu. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'était par rapport à, c'était un souhait aussi de quand ils disaient qu'ils étaient qualifiés de Disneyland du métal. Ah oui, voilà. C'était un souhait de l'équipe aussi que tu en prends plein les oreilles, mais il faut aussi que tu en prennes plein la vue. Oui. Voilà. Donc, par rapport aussi à un certain autre festival, c'est pas, pas des moindres. C'est le Download. Voilà. Ouais. Non, mais en fait, et ce qui est marrant d'ailleurs, justement, c'est que moi, j'avais trouvé ça intéressant quand Ben il venait en témoigner, parce que quand t'entendais le côté Disneyland, pour moi, c'était plus le côté parc d'attractions vendu et tout ça. En fait, je le prenais pas de la manière qu'il l'a dit lui, quoi. Ouais. Quand justement là il se défend du côté Disneyland et dire il voulait que ce soit visuel et tout ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que effectivement moi je suis assez fan de Disneyland, mais ce que j'aime c'est le côté quand j'arrive à Disneyland, je rentre dans une bulle et c'est un autre univers. Voilà, c'est ça. Bah, c'est exactement. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Alors du coup ça fait pas un côté péjoratif pour moi Disneyland. Tu vois quand eux ils le disent bah ouais non mais c'est quand t'arrives à Disney en fait c'est vraiment t'es waouh, t'es dans un autre univers parce que tout t'es fait pour que tu sois dans un autre univers. Je suis pas fan de Disney, moi, donc. Ouais, mais c'est juste le côté autre univers, je veux dire. Ouais, là, le côté, tu passes du monde normal au voilà. Monde. Et le Hellfest, ça fait complètement ça. Ça fait une bulle pendant 3 jours. Donc, pendant. Tu peux complètement décompresser, oublier tout le reste parce que t'es pris dans le truc. Quand t'es dans un festival, t'as déjà ça. Sauf que là, visuellement, tu vis vraiment autre chose, quoi. Et je trouvais ça vraiment intéressant qu'ils me mettent le point là-dessus, c'est que jusqu'à présent, moi, quand j'entendais le côté c'est le Disneyland du métal et tout ça, je voyais ça comme péjoratif, en fait. Comme dans la bouche de certains, oui, c'est péjoratif. Ouais, mais je pense pas qu'ils l'employaient justement comme Ben essayait de le dire. Ouais, nous, on veut faire un Disneyland, on veut faire par attraction, on veut que ça soit un truc visuel. Lui, ce qu'il disait, justement, c'est qu'il était qualifié de Disneyland du métal. Ouais. Et du coup, c'est péjoratif. Dans le sens de la critique des autres, ouais. Mais que lui, derrière, il s'en fout. C'est que lui, ce qui l'intéresse, c'est pour le festivalier qui arrive ici, c'est qu'il en prenne plein la vue et plein les oreilles. Je veux dire qu'il passe 4 jours phénoménal à dire hey, t'as vu, ah oh, putain, il y a ça, regarde là-bas. Ouais. Enfin, tu vois, qu'il passe 4 jours inoubliables en fait. Et voilà. Justement, en termes de comparaison à ce que tu disais, alors, pour la première édition du Download, en tout cas, c'était pas ça. Oui, bah oui. C'est ça. Donc, après, j'ai pas été sur. On n'a pas été. Nous n'avons pas eu la deuxième. La deuxième et potentiellement pas sur le troisième non plus. Même si je serais assez curieux de voir, vu que maintenant qu'ils sont sur le même site et qu'ils ont l'air d'être installés, qu'ils ont l'air d'avoir prévu plus de choses. Je trouve ça toujours intéressant de comparer. Mais donc, ça reste un des festivals, même autour de ce qu'ont l'air de dire les groupes, les plus. Personnalisé avec une vraie gueule quoi. Ouais, bah, ouais. Bah, en même temps ils ont pris le temps mais enfin, je me rappelle que sur l'ancien site c'était pas ça du tout quoi. Ça restait un festival mais plus roots. Ouais. Tu vois. Ouais, mais quelque part toi t'aimais bien ça aussi. J'adorais vraiment l'ancien site et, mais on était beaucoup moins nombreux, on était moitié moins nombreux. Donc, ouais, forcément ouais. T'avais ce côté aussi un peu cool et voilà, tu pouvais te déplacer sans te gêner les uns les autres, machin. Sans prendre de voiture. Voilà. Mais ouais. Là, le site a énormément grandi aussi, donc je pense qu'il a facilement doublé, voire peut-être un peu triplé. Donc du coup, bah, c'est vrai que quand tu te déplaces, comme tu disais tout à l'heure, t'as pas le ressenti de la masse de foule. Quoi. Ouais, non, tu l'as pas. T'as des espaces encore, plein après-midi à 17h, où t'es... voilà, t'as de la place à te balader, même à te poser tranquille sans te faire marcher dessus. Quoi. Donc, non, c'est assez cool. Ouais, non, ça c'était. Et ils ont amélioré énormément de choses. En 2012, quand on est arrivé, c'était, c'était la zone, quoi. C'était la Warzone, elle était partout. Ouais, c'était. Non, c'était de la poussière, t'avais un vieux creux, il fallait passer. Ils étaient. Mais là, ils ont fait un truc. Bah, c'est à la place, en fait, où il y a toutes les plaques. Ouais. Toutes les plaques, en fait, à la base, là, il y avait un creux qui devait faire 1 mètre. Donc, il fallait passer par-dessus, sauter par-dessus, en fait. Tous les festivaliers devaient sauter par-dessus le creux pour accéder au main stage. D'accord. C'était un gros bordel, quoi. D'accord. Et j'ai vu des combats un gros cercle avec le catch dans la boue, machin. Des mecs qui se foutaient torse poil. Hey, qui, maintenant? Enfin, tu vois, c'est génial, c'était une autre ambiance. Quoi. C'était une autre ambiance. Ça puait de l'infection quand t'arrivais sur le site en 2012. Donc en fait, ils ont repris en 2012 direct d'un site à l'autre. Ouais. Donc ils venaient juste d'arriver sur ce site-là. Donc forcément, les chiottes et tout, enfin, je veux dire, c'était encore à la route. Quoi. Tu vois, tel 2011. Quoi. Et de 2012, on va dire, 2013, je ne l'ai pas fait, donc après, je ne peux pas trop savoir. Mais 2014, déjà, on a vu le changement, c'était radical, quoi. Et ouais, c'était top. Et 2015, quand on est arrivé, je crois que là, c'était... Bah, c'était là où il y avait... C'était... Donc, c'était en 2014 qu'il y avait l'escalier, alors. Ouais. Putain, mes salauds. Mauvaise idée. Bah, du coup, ils l'ont réglé, tu vois. Oui, voilà, en même temps, c'est ça qui est bien aussi, tu vois, c'est que c'est un festival qui est capable de se dire, bah là... Là, ça colle pas. Là, c'était pas bien, là. Là, on refera pas. Là, on a merdé, là. Non, non, mais ouais, c'est vrai qu'ils sont vraiment à l'écoute du festivalier, et c'est ça qui est top, quoi. Très bien. Donc, je te propose maintenant de passer au dernier running order, à savoir le dimanche. Et après, on terminera tranquillement par les attentes respectives... De chacun de l'entre nous. Ouais, de cette édition 2018. Tout à fait. Très bien. J'ai eu un petit rototo, c'est pour ça. Donc je l'ai gardé pour moi, je voulais pas le partager. Mais... Donc ça commence le dimanche matin par The Raven Age en main stage, Malkavian sous altar et The Texas Shenzo Dust Lover sous la vallée. Alors, est-ce que c'est pas un début de journée de merde, ça? Tout à fait. Je suis assez d'accord avec toi-même. Alors, pour ma part, ça sera The Raven Age 2 secondes, Malkavian et The Texas Shenzo Dust Lover, que je vais essayer de suivre en parallèle. Alors, pour ma part, ça va être compliqué, parce que Malkavian... Malkavian... Bah oui. Et The Texas Shenzo Dust Lover... Bah, Texas Shenzo Dust Lover... Pareil, quoi. Bah oui. Là, donc, non, moi, je pense que je vais rester... Je vais rester dans le coin de Valley Altar, moi. Oui, bah, de manière, The Raven Age, soit tu t'en fous. Donc, question... Totalement. Donc, la question se pose pas. D'après ce que m'a dit Joe, apparemment, le matin, il sera pas là. Ok. Donc, je pense qu'il dormira. Ouais. Ce à quoi je lui ai dit, je vais te réveiller, mec. Il dit, c'est pas grave. On en reparlera. Mais bon. Non, je pense qu'il est pas... En fait, là, il y va à la cool, hein, vraiment. Oui, bah, il a raison. Ouais, non, mais c'est genre, il va aller voir Therion, tout ça. Donc, Je ne juge pas. Je ne dis rien. Si, il m'a dit, attends, mais tu te rends pas compte, ça doit être trop bien. Je me dis, bah, non. Mais c'est son problème. Il a le droit. Non, mais tout à fait. On peut dire qu'il a le droit. Voilà. On peut dire qu'il a tort. On ne peut pas contrôler 80 000 personnes en disant, oh, alors, on ne va pas là-bas, c'est de la merde. Bah, ouais, non, après, bon... Tous ceux qui seront là viendront pas nous faire chier ailleurs. Aussi. On enchaîne avec à 11h05 Feed the Reno en Main Stage 2, Plebeian Grandstand sous la Temple et Pogo Car Crash Control sur la Warzone plutôt. Donc pour ma part, ce sera Pogo Car Crash Control, même si sans être fan ou méga hypé, mais c'est plus que les deux autres, c'est non de souvenir. Donc. Je serais plus partant là-dessus. Moi, c'est pareil. Mais je pense que j'ai envie de les voir. Voilà. Toi, c'est ça la différence. Ouais. C'est que toi, t'as envie de les voir. J'ai pas envie de les voir pour le côté musical ou quoi que ce soit, mais je... Voir le délire sur scène. Ouais, voilà, ouais. D'accord. Voir ce que ça donne sur scène, parce que je pense que les mecs sont... Ils ont l'air assez jeunes, donc tu sais, ils ont cette énergie de... Que nous n'avons plus. Voilà, c'est ça. Ils ont l'air assez foufou. Exact. Ça, moi, je te rejoins là-dessus, toi. Je suis un peu curieux de ce côté-là. On enchaîne avec à 11h40 Ordenogan en Main Stage 1, Crisis sous Altar et Lucifer sous la vallée. Alors techniquement, je devrais aller voir Crisis, hein, parce que c'est quand même un peu un groupe que j'aime bien, beaucoup. Mais j'aime assez aussi Ordenogan. Et Lucifer m'a pas non plus totalement laissé indifférent. Toi, je sais que t'avais pas aimé la voix de la chanteuse, machin. Mais moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose, et quelque chose qui peut vraiment ressortir sous la vallée. Je pense que ça peut très bien se marier. Donc, je suis un petit peu emmerdé. Donc, j'ai sûrement allé voir les trois. Par contre, je t'avoue que j'aurais beaucoup aimé voir Crisis sous la Warzone, sur la Warzone. Putain, je vais dire sous la Warzone. Ça va gêner personne. Voilà. Donc, pour ma part, ça va être un peu les trois. Mmh. Et vous de même? Crisis. Toi, t'aimes pas les... Après, je sais pas. Peut-être Lucifer, j'en sais rien. Je vais me réécouter. Non, mais tu n'avais pas trop aimé Lucifer. Parce que c'était une chanteuse et c'était un peu... Parce que c'était une chanteuse. Non, mais ça, elle est un peu... Super, bien. Côté misogyne, c'est parfait. Bah, c'est toi. Est-ce que j'ai dit parce que c'est une chanteuse, comme L7, c'est ça? Non, oui. Enfin, L7, non, L7, oui. T'as dit ça. Donc oui. Non, t'as pas dit ça, L7? Non, j'ai pas dit ça. T'as pas dit parce... Non, t'as pas dit parce que c'est des chanteuses, mais t'as dit moi, j'ai les dit chanteuses. Parce qu'elles sont vieilles. T'as dit moi, les chanteuses et le violon. Et le violon. Le synthé. Le piano. Ah oui, c'est ça, oui. Bah, le violon, c'est pareil. Je suis pas un gros fan de Franck Michael. Non, d'André Rieu, pardon. Ouais, faut pas. Bah non. Mais t'es pas non plus un fan de Franck Michael. Si, si, si. Ah. Oh bah si, si, si, moi je trouve que... Tu ne boudes pas ton plaisir. Non. Bah tu vois, j'aurais pas trouvé meilleure formule. Je ne boude pas mon plaisir. Alors, midi 15, Main Stage 2, Straight from the Path. Avec Soula Temple, Au-dessus et en Warzone, The Good, The Bad, The Glee. Alors moi, je serais assez tenté d'aller voir Au-dessus et Straight from the Path. Beaucoup moins The Good, The Bad and The Ugly. Donc, soit je vais rester un peu devant Straight from the Path et j'irai jeter un œil à Au-dessus. Soit je vais rester à Straight from the Path et j'irai jeter un œil à Au-dessus. C'est l'un ou l'autre. Ah oui, d'accord. Ok. Et toi? Bah moi, je pense que je vais certainement pas aller voir Straight from the Path et ne pas aller jeter un œil à Au-dessus. Moi, c'est The Good, The Bad, The Ugly. Ah ouais, ouais. T'es un mec de la Warzone, toi. Ouais, bah, de toute façon, c'est ma scène. Hein. Non, ta scène, c'est la vallée, tu l'as dit tout à l'heure. Elles sont bonnes, c'est bien. Hein. Je vieillis. T'en penses quoi? Et t'as gardé quoi en dernier? La plus forte. Ah, normal. Bon. Non, non, non, non. C'est la tradition, la triple, elle est partie. Ah oui, oh bah. C'est pour ça. Oh, bon, on fait un sandwich. Ouais, un petit sandwich de bière. Du coup, ensuite, midi 50, Primal Fear, Rotten Sound et Warning. Alors, à quel moment tu craches, toi? Oh ouais, j'ai bien aimé le premier album de Rotten Sound, parce que c'est un peu le seul groupe de... Merde, aide-moi, j'ai un trou de mémoire. Je sais même pas où t'es, là. Rotten Sound. Mais non, mais c'est inversé, toi. Bah oui, non, mais je sais bien, mais là, j'ai pris Primal Fear, moi. Et L7. Mais si, Rotten Sound, parce que j'ai un trou de... C'est pas... Ah, c'est le groupe de Grindcore, merci ma mémoire. Putain, mais tu le vois où? Bah, 13h, midi 50, t'as le tard. Mais je le vois pas, moi. Rotten Sound. Ouais. Mais je l'ai pas, hein. Ils ont inversé, mais je l'ai pas. Personne. Bah oui, bah écoute, il est là. Ouais, bah Rotten Sound, il a échangé avec The Lurking Film. Ah, mais c'est pour ça. Oh, tu du m'en coup, diras ça, tant. Ça t'aide à dire que c'est du grindcore. Bah bien sûr, mais tu... Mais c'est pas... Mais t'es au courant, il y a un podcast qui parle toutes les semaines des news qu'il y a eu. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Putain, je vais l'écouter, ça se trouve, ça pourrait m'aider pour l'autre. Bah, c'est parce qu'en fait, c'est nous. Donc, moi j'avais bien aimé le premier album de Rotten Sound qui faisait vraiment précurseur dans le grindcore. Par la suite, j'avais moins kiffé, donc du coup, c'est peut-être l'heure où j'irai manger. Je ferai un peu de Rotten Sound et j'irai manger. Ça peut arriver. Voilà, pour ma part. Et vous de même. Alors, donc, bah, c'est du face coup... à Primal Fear et Warning. Primal Fear, d'accord. Warning. Ouais. Mais toi, t'as jamais. Ils ont encore échangé. Oh, il y a Grave Pleasure. Non, c'est après. Bah non, je sais pas. J'en reparlerai. Ah bon ? Ouais, la semaine prochaine, mercredi prochain, j'en reparlerai. Y'a pas d'émission ? Je ne sais pas. Bon bah tu le fais tout seul alors. Ouais, écoute. Bonjour. Bonsoir, salut et bienvenue. Bah, épisode 29 bis. 29 bis, voilà, qui va durer 5 minutes. C'était juste pour vous dire qu'en fait j'irai voir. Voilà. D'accord. Je vous aime et je vous emmerde. Allez, attends, je peux faire un feat hein, pour dire je vous emmerde. Hein. Oh, grave. Attends, je viens. Là, j'ai un invité surprise. Jacques. Hey, je vous emmerde. Et je me casse. Voilà. Oh, génial. Ou alors tu l'enregistres simplement. Oh, ouais. Salut, c'est Jacques. C'est vrai, c'était pour vous dire. Bien coupé, que je vous bien coupé, dégueulasse. Et je vous emmerde. Voilà. C'était Jacques. Je peux vous le remettre. Et je vous emmerde. Par téléphone, au pire. Ah, oui. Ouais, tu me fais chier là. Attends, je suis couché là. Talkie Walkie. J'ai des Talkie Walkie Cars, si tu veux. Oh, je veux dire. Oh, bah, c'est sûr, ça marche. Jacques. Je vous emmerde. Très bien. Pour la digestion, 13h35, Shinedown en Main Stage 2 face à The Great Old One sous la Temple et The Lord of Altamont sous la Warzone. Pour ma part, ça sera un petit Shinedown pour la digestion, vraiment, parce que c'est pas oufi-oufi, mais bon, j'aime bien. Oufi-oufi. Non, c'est pas oufi-oufi. Oh, c'est pas oufi-oufi. Non, j'aime bien écouter, c'est mainstream et vous pouvez me jeter des pierres, ça me dérange pas. J'en ai pas. C'est dommage. J'ai un stylo éventuellement. Aïe ! Il s'est planté dans ma cuisse. Je te le rends, c'est jamais. Oui, bah ça peut aider. Et du coup, toi alors ? Écrire en lettres de sang. Moi, ce sera certainement. Du coup, je suis un peu largué. Shinedown. Ouais. The Great Old Ones. Ou the Lord of Altamont. Ouais. Je pense que ce sera The Lord of Altamont. Non, c'est de la merde. Bagarre ? Bagarre. Non, mais j'ai le droit de dire que c'est... J'en parlais justement ce midi à quelqu'un au boulot, il me disait « Ah ouais, mais vous critiquez un peu ?» Je dis « Non, on dit toujours que les gens ont le droit d'aimer, que nous, on n'aime pas, mais c'est tout. » Et là, je viens de dire que c'est de la merde, donc c'est vraiment... Oui, c'est ça. Alors, 14h20, Main Stage 1 L7 face à Exhumer sans H et Grave Pleasure sous la vallée. Putain, c'est le merdier, hein. C'est pour ça que je t'avais dit que je pouvais te l'envoyer, le truc. Mais toi, tu... Non, toi, bah, mais je peux porcevoir sur mon papier. Je suis un mec du papier, moi. C'est pas une tablette, c'est un vrai papier. Ouais, mais il est pas... Ce serait cool, n'empêche que... Genre, tu peux modifier le papier ? Le coller. Bah, ça le fait, en fait, si tu l'imprimes. Ah oui. Mais ça... Mais à la bonne taille. Bah si, j'aurais acheté une imprimante. En Wi-Fi. Alors... Ah oui, alors moi, bah, ça sera ni L7, ni Exhumer. Parce que c'est de la merde. Et que c'est des filles. Et que c'est des filles en plus. C'est nul, les filles. Ouh. Et ni Exhumer parce qu'ils n'ont pas de H. Je sais pas pourquoi. Donc ça sera Grave Plaisir, mais je peux pas me souvenir de Grave. Parce que tu voulais couper du bois. Ah non, Grave Plaisir, j'aime pas en plus, je crois. Bah, t'iras remanger. Je vais reprendre un snack. Tiens, j'ai encore une petite faim. J'irai me prendre un autre snack. Voilà. Et vous, prévois d'en prendre qu'un sur le premier, du coup. Oui, j'ai tout en sachant que derrière, tu vas aller en chercher un autre. Moi, j'irai pas voir L7. En fait, ouais, faudrait que je sois plus malin et que je prenne un truc que j'aime pas. Comme ça, j'aurais envie de me changer le goût. Ah ouais, tu peux manger de la terre. Ah ouais. Ah. Si ça peut aider. Ouais, pour le coup, j'aime vraiment pas. Genre, c'est pas... Ouais, d'accord, ouais. Un peu de terre. Bon, ouais. Mais il y en a, hein. Il y a ce qu'il faut, hein, là-bas. C'est bio, hein. Ah bah, écoute. Alors, bon, ouais, j'enchaîne parce que toi... Tu auras une petite soif. Donc toi, t'iras pas voir L7. Faut combien, c'est bien. 65 centilitres. 65%. Okay. 65 centilitres. Ah bah oui, bah, c'est bon. Bah, normalement, ça fait 2 bières. Ça fait même moins de 2 bières, sans compter que moi, d'ailleurs, je me suis tapé 3 grimes. Et pourquoi tu fais ça ? Bah parce que j'avais soif, je suis rentré du tas, j'avais une petite soif, quand même, un petit grime. Et t'en as mis 3 ? Bah non, il y a la bière plaisir, il y a la bière désaltérage quand tu rentres du taf, donc tu la bois en une gorgée. Ouais. Après, t'as la bière plaisir, ouais. Que tu bois avec plaisir. En deux gorgées. Et après, il y a la bière qui te fait « Eh, dis donc !» Celle qui a été appelée par la bière plaisir. Voilà, c'est ça. Je m'ennuie. Bouge pas. Je m'occupe de toi. Tiens, viens, on retrinque pour la blague. Schling, schlung. Hey, à vous. Merci. C'est le dernier en même temps. Alors. Donc, toi, t'as dit pas L7. Non, bah, j'irai manger de la terre. Avec moi. Très bien. Cool. Grave plaisir, t'aimes pas, toi? Je m'en rappelle pas. C'est bien. Non, mais je l'irai écouter le dimanche, moi, déjà, en totalité. Donc, Tu l'as pas fait ? Pas encore. C'est dans une semaine, hein. Le dimanche ? Ah, bah, oui. Non, dans une semaine, c'est le mercredi. Je le sais, c'est le dernier épisode. Qu'on enregistre. Non, l'autre moitié de le dernier épisode. Ah oui, c'est vrai. Le bis. Alors, 15h05, Asking Alexandria en Main Stage 2, Tombs sous la Temple et The Bronx sous la Warzone. J'aurais pu aller voir Tombs pour me faire une idée. Je peux toujours y aller, hein, parce que tant que dimanche n'est pas passé, j'ai le droit. C'est vrai. Donc, j'irai voir The Bronx. Pareillement. Parce que j'ai réécouté The Bronx cette semaine et j'ai beaucoup fort aimé. Mmh. J'ai trouvé que, sans en atteindre l'énergie et le côté écorché, mais je trouve que ça m'a fait penser un petit peu à Frank Carter et The Rattlesnake par certains côtés. Ouais. Donc j'ai bien... Un peu en dessous quand même, toi, pas autant aussi fort, mais ça m'a fait un petit peu penser. Ouais. Donc j'irai bien voir The Bronx, moi. Et vous, toi aussi, alors? Ouais, ouais, pareil. Très bien. On passe à 15h50 avec Ice and Earth sur la Main Stage 1, sous Altar The Lurking Fear et sous la vallée Nebula. Donc moi, je pense aller voir The Lurking Fear pour voir si c'est vraiment différent d'At The Gate. À l'écoute, c'est vraiment différent. Oui. Donc, parce que j'ai réécouté un petit peu. J'avais zappé qu'ils avaient qu'un seul album. Ça m'emballe moins qu'At The Gate quand même, hein. Mais je suis curieux. Comme il y a à peu près trois quarts du groupe dans l'autre groupe, c'est un peu... Ouais. Moi, c'est qu'est-ce que je ferais. Ouais, bah... Bah, moi, je sais pas, en fait. D'accord. Je pense que là, je papillonnerais. Pour aller voir Nebula ? Nebula, ouais, mais je suis pas plus emballé que ça, parce que trop space, mais... parce que je connais depuis un moment, donc j'irai les voir, pour les voir. Par politesse. Donc voilà, par politesse, pour leur faire un petit coucou. Hey, c'est moi. Et du coup, ouais, je pense... ouais, non, je pense que je vais me balader. D'accord. Voilà. Très bien. C'est si important. Ça me plaît, d'une tente à l'autre, je vais rester selon... voilà. D'accord. C'est ça aussi. Faut profiter. Bah exactement. 16h40, Main Stage 2... Et ça me fait beaucoup de peine, mais Killwitch Engage face à Mangarn sous la Temple et les Sheriffs sous la Warzone. Donc ça sera Main Stage 2 pour moi. Et j'espère que je vais apprécier quand même. Voilà. Et ben là, c'est pareil. Je pense que j'irai manger de la terre. Oh. Viens voir Killwitch. Je sais pas. Killwitch. Ah, je sais pas si j'aurais une petite envie de Killwitch à ce moment-là. Oh, bah attends, c'est le goûter. Je sais que c'est plein de vitamines. Mais... Bah oui. Tu sais qu'il faut en prendre 5 fois par jour. Ouais, ouais, je sais bien. Ils font des jaunes maintenant. Mm. Ils doivent pas être mauvais d'ailleurs. Bon, ça est les meilleurs. Faudra qu'on les goûte, un de ces quatre. C'est ça. Eh, on pourrait se prendre ça d'ailleurs, tu vois. C'est plein de vitamines. Oui, mais ça se conserve mal. Ouais, mais bon, au moins pour le lendemain. Pour le samedi matin. Ah, allez. Le vendredi matin. Oui, le vendredi matin. Ok, on enchaîne avec 17h30, Accept en Main Stage 1, Exorder avec un H sous l'altar et Zillen Ardor sous la vallée. Donc je serai sous la vallée. Tout le concert. Pareillement. Voilà, moi je lâche rien. Moi. Je vais Devil is Fine à mort. Ah ouais ? Ah ouais. Cool. Devil is Fine, que ça. Tout. Ah ouais. Pas mort. C'est pas Scorpion, hein. Pareil. Ah ouais. Bah attends. T'es un déglingo. Bah oui. En tout cas, je serai pas devant Accept ni devant Exorder. Ah bah moi pareil. Faut pas se laisser embêter dans la vie. 18h25, Main Stage 2, Arc Enemy avec sous la Temple Batushka et sur la Warzone Backyard Babies qui ont dû se perdre. Donc j'irai jeter un œil à Batushka pour voir. La curiosité l'emporte. Et je n'irai pas voir les deux autres. Pour plein de raisons différentes. Ah bon ? Ouais. Bah moi j'irai voir Backyard Babies. Alors ensuite... Ah je déconne. Ah bah ouais, j'espère ouais. Ça va pas non. Tu m'as bien vu là. Bah t'as une casquette, hein, tu peux faire poseur. Hein. Bah toi aussi, t'as une casquette. Ouais. À l'envers, tu peux faire mainstream. Et j'ai souri comme si j'étais fier. C'est ouais. Ça qui est triste. En faisant un petit. Ouais. En plus. En plus, c'est vrai. Avec un claque sur les oreilles. J'ai honte. Ouais, j'espère. Bah, je... Oui. Du coup, t'iras voir quoi ? Je sais pas, j'irai peut-être Allez. Manger de la terre. Oh, sois curieux un peu. Peut-être, éventuellement, là, entre les deux, mon cœur balance. Batushka. Bah, peut-être, voilà. Ouais. Dire bon. Bah ouais, parce que pas Megadeth. Bah ouais, en même temps, c'est Arc Enemy. Oui, pas Arc Enemy, pardon. Ah non, surtout pas Arcane Emerald. Non, non, surtout pas Backyard Babies. Donc, ouais, ce sera Batushka. Ou l'apéro. Ah. 18h en même temps, c'est l'apéro. Ouais, mais. Ah, à l'apéro devant Batushka. Est-ce qu'on peut rentrer le siffle là? Parce qu'il faut voir qu'on ne peut pas en mettre de couteau. Il faut le couper avant. Avec la planche. Ouais, mais... Pourquoi tu veux amener la planche? Bah si, je veux dire, si on le coupe, c'est sur une planche. Et mais tu le coupes avant sur la planche, après tu ramènes dans ta poche. Dans ta poche? Dans ta poche. Tu ramènes les rondelles dans ta poche? Dans le pantalon. Dans le pantalon. Ça... Ah, moi je veux pas graisser mon pantalon. Tu mets un sopalin. Un sopalin ou un petit sachet. Oh. Un petit sachet en plastique. Un petit sachet en plastique. Bah ouais. Tu sais, quand tu te fais fouiller, tu montes. C'est quoi? De la drogue? Ah non. C'est du cochon. Alors. S'en fout, c'est le dernier. Enfin, il y a avant le bis, mais. Et puis, tu veux dire, qui écoute encore? C'est ça. Il est quelle heure? Ah, il est quelle heure? Il est minuit 39. Ah ouais, ça fait combien de temps? Ça fait 1h40. Putain, la vache. Tout ça pour rien dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis perdu. Alors, pendant plein d'émissions où on avait plein de trucs à dire, on faisait 1h40, mais là, on fait 1h40. Avec du rien. Oh. 19h. M'étonne comment je l'ai terre. 19h20, Megadeth face à Amorphis sous Altar et Baroness sous la vallée. La petite vallée. Ah, bah écoute, là, tu vois, c'est ce que je disais justement. Si j'ai l'occasion de les voir, et bah là, j'irai, du coup. Ah, bah merci, tu fais plaisir. 20h25, Alice in Chains, Main Stage 2, face à Septic Flesh et Glucifer. Donc là, je suis embêté. Ah, pareil. Parce que j'aurais bien été voir Glucifer. Ouais. Mais ma curiosité envers le nouveau Alice in Chains, enfin la nouvelle formation, fromage, m'intrigue beaucoup. Sachant qu'ils ont acheté du fromage, d'ailleurs. Sachant qu'ils ont des nouveaux morceaux sous le coude et tout, je suis assez curieux. Je pense que j'irai voir Alice in Chains. Ouais. C'est le moment. Bah moi pareil. Ah d'accord. Vas-y, c'est à toi. C'est là où toi tu dis que. Très bien. 21h30. Début de Iron Maiden face à At the Gate sous Altar et Cadavar sous la vallée. Et là, c'est la merde. Et là, c'est la merde. C'est la merde. Sachant c'est la première fois que je vois ça. Premier cas de figure. Et là, surtout qu'Iron Maiden a un concert qui dure très longtemps, mais même la deuxième partie. Enfin, c'est peut-être plus facile. Mais là, je suis un peu embêté. J'avais beaucoup aimé Cadavar. J'ai envie de les revoir, mais je les ai vus. J'ai envie de voir At The Gate. Et malgré tout, j'ai quand même envie de jeter un œil à Iron Maiden. Donc, franchement, je sais pas. Je vais faire les trois. Alors, je vais peut-être faire At The Gate et Cadavar et aller voir un peu Iron Maiden après. Mais je vais essayer d'aller voir At The Gate et Cadavar. Ah là là là là là là. Ouais. Moi, ce sera At The Gate d'abord. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de parcimonie. Parce que elle a pas vu Cadavar. C'est en 2015, quand on était tous les deux. On a vu Cadavar. Ah oui, mince. Et du coup, je sais pas trop, parce qu'en fait, c'est vrai qu'At The Gate, moi, le dernier album m'a bien plu. Je pense qu'ils joueront pas mal du dernier album. Donc, ce sera les deux, c'est sûr. Mais dans quel ordre, j'en ai pas la moindre idée. Et donc, tu n'iras pas voir Maiden? Bah, toujours pas. Hein. Alors, seconde partie de Maiden. Alors, on va dire un petit 22h30 face à Enciferum et The Helicopter. Je pense que j'irai me poser un peu devant Maiden pour voir. Parce que ça vaut toujours le coup. Et j'irai jeter un œil aussi à Enciferum. Parce qu'il y avait 2-3 trucs que j'avais bien aimé, je crois bien. Et vous de même? Moi je pense que ce sera Enciferum. Tout court. Mais après, voilà, je papillonnerai peut-être. Peut-être sur la fin de Maiden pour. Pour dire. Pour dire, voilà. J'ai vu Maiden. J'y étais. J'y suis été. Alors, 23h50, Marilyn Manson en Main Stage 2 face à Exodus. Sualtar et Amenra sous la vallée. Alors pour ma part, ça sera un peu d'Exodus et j'irai jeter un œil à Amenra, ou un peu d'Amenra et j'irai jeter un œil à Exodus. De base, je pense que je serai plus branché par Exodus, mais sur l'ensemble de leur disco, je me souviens avoir été un peu de temps en temps des grands oui et de temps en temps bah, des grands oui. Donc, c'était dubitatif. Quoi. Et Amenra, j'étais pas contre, ça, c'est le genre de groupe que t'as plus envie de voir en live pour voir ce qu'ils proposent de plus. Mmh. Et puis Marilyn Manson, il a qu'à aller se faire bien enculer, voilà, ça lui fera les pieds. C'est clair et net. Peut-être qu'il aime ça. Et c'est clair et net, c'est pas pour moi, d'accord. Moi, je vais pas faire comme certains qui se débinent, qui l'ont vu en 2015, qui ont dit que c'était de la merde et que cette année, ils vont y retourner, ils vont le voir. Tu vas voir quoi, toi? Espèce de tapette. Je te merde, gros compte patron. C'est ça qui est bien dans ce boulot, c'est que je peux insulter mon patron. Je suis pas payé, de toute façon. Je m'en branle. Ouais, il le prend plutôt bien, hein. Tu devrais être tolérant quand même. Mais tu crois que j'ai le choix, monsieur? Non, bah tu le prends bien, c'est ce que je te dis, c'était un ordre. Tu le vois. Ah oui, d'accord, tu le prends bien, c'est un ordre. Voilà. Ah oui, c'était pas une question. Non. Bah oui, bah moi j'irai voir Manson parce que, bah voilà, c'est pour ma tendre et douce. Tu sais que des fois, qui ne l'a jamais vu. Tu vois, alors je peux faire plaisir et partager ça avec. Parcimonie, ça t'emmerde, c'est non, ça? Non, mais des fois, tu peux aussi, quand tu vois que les gens font des erreurs, tu peux leur dire arrête. Mais tout le monde n'a pas la science infusée comme toi, c'est monsieur Jacques. Je sais bien. Et sache que dans ma grande mansuétude, je n'en veux à personne. Tout le monde n'est pas intelligent comme toi, tout le monde n'est pas brillant comme toi, tout le monde n'est pas merveilleux comme toi. C'est Rod to Elfes, on n'est pas là pour parler. Tout le monde ne marche pas sur l'eau comme toi. Et il y a un truc. Je peux te le dire, il y a un truc. C'est pas non plus. En fait, c'était pas de l'eau. C'était voilà. C'est un espèce de truc de concentré. C'est de la glace. Enfin, c'est l'hiver, tu vois, le lac a gelé. T'as cru que c'était de l'eau parce que t'es resté un peu ébahi. Mais c'est... Voilà. Donc, Marilyn Manson. C'est très bourré aussi. Bah oui, du coup. Bah tu me diras. Mais après, ça me pose pas de problème, franchement. C'est pour faire plaisir à parcimonie. Moi, il n'y a pas de souci. Je, comme Jean-Pierre Madère, je le subirai. Ah, non, c'est pas lui non, qui chantait ça. Je subirai. Non, c'est pas. Non. C'était un Jean-Pierre aussi. Ouais. Jean-Pierre. Pas Madère, du coup. Pas Porto. Madère. Porto. Jean-Pierre Porto. Ouais, voilà, c'est bien. Ou Vincuit. Ou peut-être. Oh, c'est plus large. Peut-être Valérie. Jean-Pierre Vincuit. Peut-être. Jean-Pierre Valérie. Peut-être. Ah ouais, exact. Ou Jean-François Valérie. Peut-être. Ouais. Ah, ou Jean. Où on n'a rien à foutre. Voilà, c'est ça. Alors, et pour terminer, à minuit 50. Bah, toi, tu vas aller voir Carpenter Brut. Hein. Alors, ah. Nightwish, Carpenter Brut ou Turbo Negro. Ah, ah, ah, ah. Alors, le choix du cœur, Nightwish. Hein, non, je blague. Je ne ferai pas cette connerie. Donc, ça sera Turbo Negro. Mais, j'irai quand même jeter un œil. À Carpenter Brut, pour voir, en tant que média, pour voir, pour faire un rapport et dire les gens avaient l'air d'être contents parce que Malakavian en parlait eux-mêmes et disait que ouais, c'est cool ouais. De voir qu'il y a. Il y a plein de groupes hein, qui disent Carpenter Brut, donc moi c'est vrai que. Je sais pas. Ouais. Bah, ce sera Turbo Negro, moi c'est sûr, mais les ayant déjà vus deux fois. C'est vrai que j'irais bien jeter un petit œil à Carpenter Brut en rentrant de chez Marilyn. Quoi. Bah ouais, histoire d'avoir un avis, toi, voilà. De dire bon, bah non. Donc voilà, c'était un petit peu notre troisième running order idéal. Enfin, vous avez pu noter quand même qu'il y a quand même quelques soucis de temps en temps et que rien n'est totalement gravé dans le marbre. Exact. Du coup, maintenant, dans la pierre. Passons rapidement avant de couper cet épisode, d'aller se coucher, plus jamais enregistrer de notre vie. Voilà, c'est ça. Quelles sont tes attentes pour cette année? Alors, petit bilan et état de fait. L'édition 2017 avait laissé un large goût amer, principalement un peu à cause du public ouais. Que tu reconnaissais de moins en moins et certaines choses qui t'avaient déçu, que ce soit dans des groupes ou un peu dans l'ensemble, mais que tu commençais un petit peu à être lassé du festival à tel point que ça remettait en cause ta venue cette année. Maintenant, là, avec ce que t'as, avec tous ces épisodes qu'on a fait, tous ces groupes que tu as écoutés, cette affiche qu'on a décortiquée après l'avoir assez massacrée, Ouais, non, mais je me revois encore découvrir la fiche, Bah justement. oui, moi aussi, donc. Et je regrette vraiment, en fait. Je regrette vraiment De notre l'avoir réaction. découvert? Non, notre réaction, en fait. Bah, moi, pas. Si, parce Bah, que. non, parce que là où on en est maintenant, c'est que on a fait plein de découvertes, et encore, merci au Hellfest, parce que franchement, et merci à toi, Jack. Non, merci à Voilà. toi, arrête. Non, mais c'est aussi grâce à toi si on découvre les groupes aussi profondément, même si c'est pas toujours approfondi. Suis pour Mais rien voilà, aussi. non, moi j'ai pas plus d'attente que ça, j'ai envie de profiter un max et puis voilà, de faire un bon petit retour. Est-ce que aujourd'hui, donc après cet épisode, pendant cet épisode 29, tu as plus envie d'y retourner que à la fin de l'année Oui. dernière Ouais. et au moment du découvrage de l'affiche. Voilà. Voilà. Donc tu as envie d'y retourner, tu espères redécouvrir des choses. Bah ouais. Peut-être même que tu vas y aller avec un œil neuf et une oreille neuve. Certainement. Alors pour ma part, j'attends en fait rien de spécial, juste. J'ai un peu de mal à me l'expliquer, je pense que je suis un peu comme toi dans le sens où je suis assez enthousiaste. Là, j'ai envie d'y aller là. Vraiment, j'ai envie d'y retourner alors que j'avais un peu perdu l'envie sur le moment. Donc ce que je me dis, c'est que c'est sûrement grâce à tous les groupes qu'on a découverts et qu'on a envie de voir. Et aussi que peut-être parce que malgré tout, le Hellfest reste a une certaine part de magie dans ce qu'il propose. Et comme c'est une bulle d'air pendant 3 jours, je pense qu'on a aussi cette envie-là de s'évader pendant ce temps-là et de profiter à fond, quoi. Il reste aussi le petit côté, comme on s'occupe d'un podcast qui parle du Hellfest, on a aussi cette manière d'appréhender la chose en sachant qu'on va y aller pour justement aussi découvrir des choses sur lesquelles on a eu plein de pensées, quoi. Moi, quand je dis que je regrette un peu ma réaction par rapport à l'affiche, c'est pas d'avoir été déçu, en fait, c'est plus mon manque d'ouverture sur le moment, en fait. Plutôt de me dire directement, ah, c'est ça. Alors que j'aurais peut-être dû justement me dire, ah ben ça veut dire qu'il y a encore plein de trucs à découvrir, en bien ou en mal, mais il y a plein de trucs à découvrir. Mais je pense qu'on s'attendait à autre chose. Et c'est peut-être de là que revient notre côté déception. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, j'ai envie de découvrir et même d'aller voir les groupes que j'ai pas aimés pour avoir un vrai avis là-dessus. Et je vais sûrement rééternuer dans 2 secondes, donc je t'en prie, raconte des choses. Non, mais c'est ce que me disait justement Parcimonie tout à l'heure, quoi, c'est que bah, elle a écouté les premiers, et forcément elle a eu aussi la découverte, De elle a l'affiche. écouté la découverte de l'affiche, et elle voit que maintenant, enfin, elle a écouté les 3 derniers, en disant qu'elle sent bien qu'on est fatigué sur les derniers, surtout moi. Mais elle voit bien l'évolution du truc, et bah, nous connaissant forcément personnellement, là. Elle voit bien l'évolution du truc et elle voit bien que bah, derrière il y a ce côté quand on a découvert l'affiche, on est resté un peu con en se disant c'est quoi tout ça quoi? En se Ouais. disant aussi au fur et à mesure des podcasts, il y a du hip-hop Ouais. quoi. Mais moi maintenant j'ai écouté Aurore, j'ai envie d'aller voir. Ouais, mais c'est aussi ça qui est bien en fait, c'est de la manière d'avoir justement. En plus, on peut pas revenir en arrière, donc vu que c'était enregistré, on l'a découverte en live, enfin en live, on l'a ensemble comme ça, et on peut pas revenir sur notre réaction qui était sincère. Ah Mais bah oui. aujourd'hui, on se rend compte Il y a plein de trucs qu'on ne connaissait pas et qu'on est très content de découvrir maintenant. Donc c'est aussi un peu et la force du Hellfest de savoir proposer une affiche aussi large et variée et de temps en temps être capable de dépasser et ses préjugés, ses a priori pour aller découvrir des trucs. J'ai découvert encore plus de groupes que l'année dernière. Moi pareil. Donc je suis très content de ça et Et énormément de Français. et je suis vraiment content parce que j'ai l'impression d'arriver à un festival où tout me parle un peu, quoi. Je suis pas dans le mode ça, je sais pas ce que c'est. Voilà, donc là, je parle même pas de dire ok, je sais exactement tout ce que je vois. Non, c'est juste, tu sais ce qui passe, et ça me fait plaisir, quoi. Ouais. Donc voilà, bah écoute, en attendant cet épisode de potentiellement de retour, si on survit, bah je te remercie à toi d'avoir été si présent pendant tous ces épisodes. Ben, on n'avait pas trop le choix, c'était chez moi. C'est vrai, Je peux t'emprunter ta cave 5 minutes? Ouais. Vas-y, Contrairement vas-y. à Joe qui nous a lâchement laissé tomber. C'est vrai qu'en même temps, foiré. Et bah, du coup, t'as quelque chose à rajouter? Bah écoute, on va dire à tous ceux qui nous suivent et qui font le Hellfest cette année, bah profitez au max. Et ouais. Puis si on peut éventuellement bah, se retrouver, hein, n'hésitez pas. Se croiser, n'hésitez pas. Ceux moi je veulent. Suis cool, bah Jack bah, un petit ouais, peu moins, peu moins c'est plus même. Sauvage. Si vous le voyez caché derrière une fougère, n'hésitez pas à parler voilà. À la fougère. Voilà. Elle vous répondra. Tout à fait. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, ceux qui veulent nous voir, et surtout ceux qui veulent nous payer un coup. Aussi. N'hésitez pas à... Peut-être si... que ça, bah, de notre part, on pourra peut-être éventuellement aussi vous payer un coup. Non. Putain, t'es vraiment pas un sale con. Bah, je vous paierai un coup. Non, mais attends. Alors, je vais... Bob n'est pas au fait de comment ça marche, les trucs avec... Tu dis ça, t'as 15 personnes qui viennent. Bah, s'ils nous payent un coup. Non, mais là, tu as payé un coup à 15 personnes. Ça fait 15 personnes qui te payent un coup. Toi, tu vas payer le coup à 15 personnes. Wow. Attends d'avoir quelqu'un qui dit « Je viens de payer un coup », et là, tu lui proposes de lui repayer. T'as pas compris la démarche ? Rencontrer des gens ? Non. T'es en recherche de... Tu cherches des amis ? Je te suffis plus ? Putain. C'est qu'ils nous payent un coup. Mais derrière, on n'est pas sûr de leur repayer un coup. Ah mais si, moi je suis sûr de pas leur payer, hein, venez pas pour moi. Et ben voilà. Et putain, mais à la base c'était ça. De toute manière, attends. Oh, putain, t'as foiré mon plan. Déjà, le truc c'était de boire des coups ouais. Gratuits et puis c'est et quoi de me casser en courant. Et après c'est quoi l'autre but, c'est de venir maître du monde. Tu t'y prends très exactement. Mal. C'est ça. Déjà, de base, il y a Nico qui va nous payer des bières et il y a Julien qui va nous payer des bières. Il m'a expliqué son budget. Ah mais sur 4 jours, c'est pas énorme. 15 personnes sur 4 jours, moi je trouve ça bien. Je trouve c'est une bonne moyenne. Bon bref, tous ceux qui ont envie de nous payer des bières ou juste de venir discuter 5 minutes avec nous, même de dire, au fait, j'écoute votre podcast, c'est de la merde. Ah ouais, venez. Venez, franchement. Ça nous fera plaisir. Alors là, nous on est prêts à tout entendre, on n'attend rien, donc forcément on peut que être surpris. Ça je jouera au pogo. Et au hashtag bagarre. Hashtag bagarre. Parce que je vous préviens cette année, moi je suis chaud. Hein. Moi, bon, je suis enrhumé, là, mais... Ce sera pas la même chose dans une semaine. Je peux vous dire qu'à Clisson, hein, le rhume, il est vite parti. Donc, à tous, profitez bien. Passez un très bon festival. On se retrouve dans 15 jours. On essaiera de garder un petit peu des news quand on sera là-bas, si on y arrive et qu'on n'est pas trop fatigué. Et sinon, bah... Oh, on postera au fur et à mesure. Oui, on essaiera de se concerter, on va préparer des trucs, vous allez voir. Non, on va faire des trucs, on va essayer quand même d'être sérieux. Ah d'accord, pardon, hein? Je croyais qu'on rigolait. D'accord, ok. Non, je rigole pas, là, soyons sérieux 5 minutes. D'accord. Hein? Et on va s'y tenir alors. Non, c'est juste pour être sérieux 5 minutes. D'accord, très bien. Donc on va faire tout pour, et on vous souhaite une bonne semaine. Voilà, bon fest surtout. Un bon fest. Découvrez des groupes, soyez curieux, amusez-vous. Alors, et comme il dit Nico, il dit surtout n'hésitez pas à tenter des choses. Parfois vous réussirez, d'autres fois non. Mais quoi, je sais plus, je connais pas son gimmick. Ouais. Il a un truc. Il a une phrase d'accroche de fin. D'accord. Ouais, je l'ai pas. Bah, nous aussi on en a une. Hein. Du coup, on vous aime et on vous emmerde. À la semaine prochaine. Bah non. Là-bas. Bah si. D'accord. Voilà. Donc, on vous aime. Et on vous emmerde. À la semaine prochaine. Là-bas. Voilà, Hellfest. Là-bas. Au Hellfest. Wouhou. À Clisson. Rendez-vous en terre clissonnaise. N'hésitez pas, hein, on sera au Metal Corner. Ouais, bah, on sera un peu partout en fait. Hein, Non, mais jeudi, on sera au Metal Corner. Ouais, bah, on sera un peu partout. Donc, jeudi, on sera au Metal Corner. Ouais, mais on sera au Metal Corner jeudi. Ah, je savais bien, je t'avais dit. Parce que au début, je crois que tu disais un peu partout, mais je t'ai pas sûr. Ouais, non, il y a plein de bons groupes qui passent en plus au Metal Corner jeudi. Ouais. Donc, il faut y aller. Faut voilà. Soutenir la scène locale. Ouais, non, c'est ça, tout à fait. Ouais. Voilà. Oh, c'est pas la meilleure des fins. Hein. Non. Ah oh, sinon, je sais pas, qu'est-ce que... Écoute, j'ai commencé à ranger mon matos, je t'en prie, vas-y, voilà, termine. Ah bah, je range aussi, en même temps. Mais non, mais hein? Termine. Ah bah, je termine en rangeant. Hein, qu'est-ce que... Voilà. Donc du coup, ça a servi à rien. Hein. Je l'ai descendu exprès, je me dis, tiens, ça va servir. Il va jamais terminer le truc. Stylo, il n'y a plus de bouchon. Ça écrit plus, forcément. Les bières, bah, téléphone, il n'y a plus de batterie. Hein, ah, par contre, j'ai vu que tu avais une protection, c'est joli. Oui. Devant et derrière. Je la mets après qu'il soit cassé. Tu vois, moi, je suis le mec, je suis prévoyant. Tu sais, c'est un peu comme Cerise de Groupama. Ouais, toi, t'étais prévoyant, mais pas dans le bon sens. Mais non, pas dans le bon sens. Très bien, très bien. C'est une fois que la catastrophe est arrivée. C'est... Comme les maires des petites communes. C'est... L'accident est passé. Bon, on va peut-être mettre un dodan. on va mettre un stop. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, allez, on se casse. Juste avant un feu rouge. On se casse. On s'arrache. Bah, on s'arrache parce que dans 9 secondes, 8 secondes, 7 secondes, ça va faire 2 heures. Eh ben, donc c'est bien. C'est bien. C'est bien, d'ailleurs. Ouais, juste avant le fest. Hein, c'est le dernier. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir nous demander des bières en échange du temps qu'on leur a volé de leur vie. Tu crois que, ouais, bah putain, là. Moi, tu me fais ça, moi, je porte plainte, moi. Bah, faudra qu'on prenne un caddie chacun, déjà. Au Leclerc de Clisson, et puis qu'on fasse le plein de canettes. Jeudi, on sera au Leclerc de Clisson. Ah, en oui, dédicace, c'est vrai. Pour ceux qui veulent. Ouais, on aura un petit bureau à l'entrée, avec une petite table, des tréteaux, hein, avec un petit panneau Road to Hellfest. Bob et Jack, avec parcimonie et Joe d'un côté. Exact. Voilà, qui tiendront des fourches. Non, du merch à vendre. Du merch. Voilà, donc c'est-à-dire rien. C'est-à-dire... Ils tiendront du vide, comme ça. Voilà. Ça va être sympa. D'accord, voilà. Eh ben écoute. Ah, voilà. Tu crois que ça va se voir quand on est au bout là? Bah ouais, je pense, ouais. Moi perso, je te vois plus, j'ai trop de larmes. Ah, je commence à avoir le rire aigu. C'est mort. Putain, mais c'est dur. À chaque fois qu'on fait le 10h, c'est mort. Il est 1h du mat, sérieux, putain. Ah, j'ai envie d'appeler ma mère et lui dire que je l'aime. Mogi. Et c'est drôle parce que tu peux pas le faire alors que... Putain, j'étais en train d'avaler un glaire. On va crever. On n'arrivera jamais à faire une saison 3. Allez, faut y aller là. On vous aime. On vous emmerde. À la semaine prochaine. Bah non. Ah bah oui, là-bas. Bon, la petite Fischer, elle est bien en fait. C'est ça qu'on devrait prendre à chaque fois. 4€ les 3. Sérieux? Bah 4€ quelque chose, ouais. Ah ouais, ouais. Ah, c'est bien, putain. Ouais, c'est 75 pour le purine 72, donc j'en ai pris un peu. Ah putain, faudrait qu'on se fasse ça pour le fest en fait. Bah ouais. On se fait le plein. Bah ça va être lourd. Bah elles sont lourdes. Ouais. Ils sont pas, ils vont pas aller dans les, enfin tu vois. Ouais, c'est ça. Bon allez. Ouais. Hein. Ouais, bisous hein. Bah bisous hein, à la semaine prochaine. Bah voilà, là-bas. Voilà. C'est bon, j'ai compris. C'est bon. Ah bah d'accord. Donc, c'est bon, ok. Alors, on vous aime. Et on vous emmerde. À la semaine prochaine. Yeah. Là-bas. Ouais. Là-bas. Là-bas. Là-bas. Allez. Allez, bonne fête à tous. Chanson de là-bas. Là-bas. Ah merde, c'est qui chante ça? Pas Jean-Jacques? Ah bah si, exact. Tout à fait. Qui ne sera pas là cette année d'ailleurs. Ah non. Ah, je suis déçu. Bah oui, bah écoute, il a arrêté les enfoirés. Je suis pas au-dessus. Oh. Merci. Elle est belle. Ah. Allez. Bon bah c'est bon. Hein. Bon bah la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous.